Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Véronique Mirlou concoctera une captivante continuité de lettre C dans son véronictionnaire et on croquera des croustilles dans la chronique culinaire crasse une grosse pointe dans le dress. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 17 mars 2016. Les jours passent vite, le flou devant moi, tout le temps. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. 40 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016, pour la plupart. Pour la plupart, ouais. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir à 8h, tiens, ta chronique à 8h15. Tiens, on va se le dire. Ok. Enfin, on va voir pour l'horaire. On va dire ce qui se revient, puis on ferait ça quand il y aura des trucs. Okay? C'est bon. Donc, d'ici la fin de l'émission, on a ta collègue à toi, ta nièce, Galantitania. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hier, je vous ai parlé de déjeuner. Aujourd'hui, j'ai comme décidé de parler encore de bouffe, vu que c'est la journée où qu'on fait une grosse pointe à l'adresse. Donc, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire, puis je vais attendre d'être rendu à ma chronique pour vraiment vous dévoiler le punch. Mais tu vois, je vais faire la même chose pour une grosse pointe à l'adresse. D'ici la fin de l'émission, on va se partager le temps qu'on aura entre notre invité spécial de 8h30. On va parler d'options nationales avec deux personnes qui s'en viennent pour la conférence de seuls qui aura lieu à la passerelle du pavillon de la santé de l'UQTR sur l'heure du midi. Donc, ça s'en vient à 8h30. Mais pour commencer l'émission en beauté, jeudi matin, allons-y avec Véronique Mire et son Véronictionnaire. Véronique Mire, allô? Bonjour, comme c'est charmant comme introduction. C'est rendu que je t'appelle Véronictionnaire, tellement t'es attachée à ta chronique. Ben oui, qui me fait toujours plaisir de composer pour vous d'ailleurs. Ben oui, on est très heureux de t'avoir. Donc, c'est la deuxième partie de la lettre C cette semaine. Et oui, hey, on achève. Oui. Hein, quand même, le Véronictionnaire. Donc, la lettre C, deuxième partie. Donc, je commence par un animal qui fait cocorico. Le coq. It's a huge cock. It always is. Adore. Ah, et oui, le coq. Alors, le coq domestique et le paon ont été introduits en Europe par l'Asie mineure au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Okay. Alors, ils viennent d'Asie, ces chers animaux. La poule caquette, le poussin pépi et le coq chantent. Et la transcription phonétique de son chant est très différente dans les différentes langues, évidemment. Et le chant du coq est inné. Alors, en français, évidemment, on a cocorico. En grec, ça lui ressemble. On dit coucouricou. Ah, c'est cute. Ah, OK. Un petit peu. Ensuite, en japonais, on a coque-coco. Coque-coco. Et ensuite, ça change pour les autres langues vraiment carrément. Bon, en anglais, le cock-a-doodle-doo. Et c'est le plus bizarre, celui-là, parce que ça ressemble à en aucun... C'est zéro la même chose, hein? C'est vraiment différent. En allemand, on est complètement ailleurs aussi. Le coq pousse plutôt des cris aigus en « i », alors « kikeriki ». En italien, « chichirichi ». Et en vietnamien, « oh, oh, oh, oh ». ».« Oh, oh, oh, oh ». Alors, voilà. Charmant. Alors, avant l'invention de l'horloge et de la montre, évidemment, le cri du coq servait à indiquer l'heure et dans toute l'Eurasie, d'ailleurs, parfois même de façon légale. Ah oui? Il y avait des lois sultaniennes, entre autres dans l'Empire ottoman, édictées par Mehmed II, le conquérant de Constantinople, à propos des moulins dont les roues fonctionnaient là, avec un système... les roues, en tout cas, les moulins là, à farine... il avait édicté la loi suivante. Les meuniers seront surveillés. Il est interdit d'élever des poules dans un moulin afin que la farine et le blé des particuliers ne subissent pas de dommages, on gardera tout au plus un coq pour connaître l'heure. Mmh. Alors, le coq, comme les passereaux, une autre sorte d'oiseau, pousse un premier pic sonore à l'aube et un dernier au crépuscule, avec un petit creux pendant la journée, mais il chante quand même toute la journée. Ah, ah. Le niveau sonore est de 50 à 60 décibels quand même, ce qui est assez élevé. Mais on le remarque plus à l'aube parce qu'il y a moins de bruit ambiant, donc ça se détache plus de tous les autres bruits. Donc voilà pour le coq. Maintenant, j'espère que vous en avez enfilé ce matin. Je vais vous faire l'historique de la petite culotte. Oh! Oui, toujours. Parce que, est-ce que t'as commando dans ta liste aussi? Non! Commando? Parce que c'est un 6 aussi, justement. On pourrait être en commando. Ben oui, ça tombe bien. Hein? Donc, la culotte, à la base, dans son premier sens, c'était un vêtement d'homme, une sorte de pantacourt, là, un genre de pantalon trois quarts. Ah, c'est ça, l'opposé, le contraire du pantalon. Ah ah! Un pantacourt. J'y avais pas pensé. Hey, c'est bon, j'y avais pas pensé. Oui. Alors, ça, de la haute société, dans l'ancien régime, les hommes qui le portaient. Quelques femmes portaient la culotte, donc surtout les vieilles dames, les malades ou les servantes, quand elles nettoyaient les carreaux afin qu'on ne voit pas tout leur attirail, évidemment. Ou les femmes dites aux mœurs légères, puisque comme c'était réservé aux hommes, on considérait que c'était un peu affriolant de porter la culotte à cette époque, quoique c'était pantalon trois quarts, quand même. La bienséance voulait que les femmes vertueuses ne portent plus de culottes à partir de leurs 14 ans. Les petites filles pouvant en porter, c'était des sortes de pantalons bouffants, là, un peu, là, qu'elles mettaient sous les robes. Alors, les femmes ont été nues sur leurs jupons jusqu'au Moyen-Âge du 19e siècle. Du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, pardon. Alors, elles portaient sous leurs vêtements des chemises de soie ou de toile, dépendant de la richesse de chacun, et parfois un jupon supplémentaire par-dessus les 45 autres qu'elles avaient en dessous de leur robe. En toile, puis les messieurs leur disaient « Est-ce que tu veux mon pinceau sur ta toile? » Mais pourquoi on portait pas de culotte? En fait, bon, la bienséance disait que c'est ça, on n'en portait pas, c'est réservé aux hommes, hein? Et aussi, on trouvait que c'était plus hygiénique. Mmh. Ah! Puis ça respirait mieux. Mais je vous laisse imaginer... Ils faisaient quoi, hein, quand ils étaient dans leur semaine? Exactement, ouais, c'est ça. Ça n'a pas été inventé encore. Oh, ben là, tu sais, c'est comme c'est, hein? C'est l'évolution. Ils se laissaient couler à terre. Très chic, hein? Donc, la reine Catherine de Médicis, qui a vécu de 1519 à 1589, a tout de même lancé une mode du pantalon pour les dames de la cour qui était appelée une bride à fesses. Ah, bon, wow. Mais ça n'a pas tellement duré. Un peu plus tard, au 19e siècle, on a inventé le pantalon de lingerie en Angleterre, surtout pour les jeunes filles qui faisaient de la gymnastique. Là, pour pas c'était les yoga pants de l'époque, c'était les hashtag white girls de l'époque. Ah, c'est ça, exact. Ils portaient des hot boots puis des yoga pants. Dans ce temps-là. C'est ça. Ah. Et ils ont été démocratisés quand la mode des crinolines est arrivée, parce que là, avec les crinolines, tout montait dans les airs quand on se descend par en avant ou par en arrière en s'assoyant. Alors, on lui prédit quand même une courte existence parce que comme ce pantalon de lingerie-là dépassait légèrement souvent des robes, les hommes étaient vraiment excités à la vue du pantalon de lingerie. Ça leur prenait pas grand-chose à l'époque, hein? Quand même. Alors, les stylistes l'ont imaginé plus court et en s'inspirant donc des premières culottes de tantôt, là, le pantacourt que je vous ai mentionné. Et pour les différencier des pantalons, ils ont décidé de l'appeler « culotte ». D'où le nom du vêtement. Au 19e siècle et début du 20e, les culottes sont plus larges, avec des fronces à la taille, pas encore des élastiques, mais bon, pour que ça tienne. Une large ceinture boutonnée, puis ça descend jusqu'aux genoux. Oh. Donc, ça y est pas totalement. On ajoute des petits volants de dentelle ou brodés pour que ça soit un petit peu plus chic, mais elle est fendue. Encore dans l'ordre d'esprit de gardons cela plus hygiénique. Dans les années 1910, les robes deviennent de plus en plus moulantes. Hein? Donc là, les trucs de short, ça fait plus trop. Alors, on raccourcit de plus en plus la culotte. Et c'est Pierre Valton, en 1893, qui a son atelier de sous-vêtements, qui crée les culottes Petit Bateau. Donc, c'est une marque de culottes en France qui, en 1918, vont devenir sans jambes, sans boutons, en coton. Avec une ceinture élastique à la taille. C'est le même modèle pour les femmes et les enfants. Les couleurs rose et blanche sont priorisées, les noires dites pour les femmes aux mœurs légères. Encore une fois. Alors voilà pour la culotte. Maintenant, cadeau. Cadeau. Non. C'est cute. Quand même. Pourquoi on offre des cadeaux? Ouais. C'est quoi le rapport? C'est à cause de Jésus, ça. Jésus, tout le temps blame Jésus. C'est les rois mages. C'est ça. On t'arrive avec le cadeau. Ben, en fait, à l'origine, celui dont on célébrait l'anniversaire ne recevait pas de cadeau, c'est lui qui en offrait, surtout à ses parents, principalement à sa mère, comme merci cadeau pour lui avoir donné ouais. naissance, c'est ça. Au Moyen Âge, quand il y avait la fête de quelqu'un, la personne organisait elle-même son anniversaire. Ça arrive encore aujourd'hui pas mal. Encore, oui. Puis elle faisait, hey! On s'organise nous-mêmes notre fête, comme ça on est sûr qu'on va en avoir une. Oui, c'est pas pire. Si t'as des amis. Quand même. Puis elle organisait un grand banquet, donc les convives apportaient plutôt une contribution au repas, c'était ce qui était considéré comme un cadeau. Et au fil des siècles, comme il y avait de moins en moins de gens qui cuisinaient à la maison, on s'est mis à confectionner des cadeaux pour offrir à la personne dont c'était l'anniversaire. Et aujourd'hui, ben, on en confectionne encore un peu, mais on les achète pour la plupart. Oui, c'est ça. Plus facile. Donc, voilà pour le cadeau. Maintenant, pourquoi dit-on qu'une faute est une coquille? Ah, j'avoue, je me suis toujours demandé. Ah oui, t'as fait une coquille. Oui, marcher sur des coquilles d'œufs, peut-être? Tu fais attention mais pour parce en que faire. Quand tu fais une erreur, bien souvent, quand tu vas casser un œuf, il va y avoir une coquille dans l'œuf. Ah oui, c'est ça la solution, c'est sûr que c'est ça. Hein? Ben, ça a vraiment un lien avec les œufs. Yes! Vous êtes vraiment dedans. Alors, à l'origine, hein, on parlait de coquille quand on disait que dans un texte, on oubliait une lettre ou qu'on remplaçait une lettre par une autre parce que les typographes devait assembler des caractères d'imprimerie en plomb pour faire l'impression des textes. Et c'est un travail très minutieux, puis souvent, il oubliait une lettre ou il en remplaçait une par une autre, donc c'est resté avec le temps. Mais il y a deux théories vraiment historiques là, qui donneraient l'origine du mot « coquille ». Alors, la première, moi, que je trouve assez comique, donc c'est le journal officiel, encore toujours en France, mm-hmm. que ça se passe ces choses-là. Alors, qui avait publié un article sur la délibération de l'Assemblée nationale sur le calibrage des œufs. Ils ont fait une embêtante erreur d'impression. Ils ont oublié le Q dans coquille. Ah, OK. Alors, ça a l'air d'une grosse attrape, cette nouvelle-là. Donc, ça celle-là est comique, mais... Ouais. Sinon, la deuxième théorie, c'est que la façon dont on nettoyait les fameuses plaques d'impression, là, c'était en utilisant du blanc d'œuf. Et justement, souvent, il y avait des petits morceaux de coquille sur les lettres. Puis là, bon, elles n'apparaissaient pas à l'impression. Ça a l'air plus vrai, celui-là, je trouve. Quand même. Ouais. Mais ça arrive de nos jours aussi, tu sais, sur le WordPress, qui est utilisé sur le site web d'Assemblage Requis. J'ai ce matin écrit dans l'intro et on croquera des croutilles. Ou des croustilles. Ah, des croutilles. Tu sais, ça arrive en 2016 aussi, des coquilles. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. Quand même. Avant d'aller en musique, une petite vite, là, les chevaux, pourquoi, en fait, peuvent-ils vraiment dormir debout, les chevaux? Il y en a qui se couchent, non? Il y en a qui... Il me semble que j'ai déjà vu un cheval coucher dans un champ. Il mort. Hey! Non! Pas ça. Ben, les chevaux peuvent effectivement aussi dormir couchés. In your face! Big disgrace! Mais ils peuvent aussi dormir debout. Alors, quand ils dorment debout, ils ont un sommeil plus léger parce qu'en cas d'attaque, hein, comme les chevaux étaient souvent attaqués par les prédateurs, ils peuvent rapidement se réveiller puis partir à la course. Mais pourquoi ils tombent pas? C'est vrai? Parce qu'ils sont capables de bloquer leur rotule. Oh. Wow! Moi aussi, je fais ça, mais pourtant, ah oui? Ça fait mal. Ah oui! Hein? Donc, ils bloquent leur rotule, puis pendant qu'ils dorment, bon, comme c'est léger, ils transposent leur poids, ils transfèrent leur poids des membres antérieurs vers les membres postérieurs. Quand ils dorment couchés, leur sommeil est plus profond, mais comme ils se sentent plus vulnérables, c'est moins long. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est comme ça que tu fais ça aussi, Tania? Oui. Quand tes rotules bloquent. Hein? Tout à fait. Transfère le poids. Exact. Une petite pause musicale avec les connards à l'orange. Ça commence par un C. Ah. Voici le magasin des choses utiles. Dans le Vérodictionnaire à Assemblage Requis. Laisse-moi te parler d'une boutique à la vocation excentrique. Une entreprise enfin qui ose vendre des choses qui servent à quelque chose. Je sais que ça fait drôle à entendre. C'est un petit peu comme un non-sens. Attends de voir ce qu'on a à vendre. On a des cures de jouvence pour rendre leur jeunesse aux vieux. Et puis des ailes de plaisance pour faire s'envoler les curieux. On a des éclats de rire en canne et puis de la gentillesse en vrac. Des repas qui finissent jamais, des bouteilles d'eau toujours remplies. On a des amours immortels et des amitiés infinies. Des secondes chances contre les erreurs, on a le droit de recommencer. Enfance pour ceux qui sont faites partasser. Du savon qui lave les consciences. Des arbres qui poussent en une journée. Un seul bon pour toutes toutes mes souffrances, c'est quand même pratique à traîner. C'est quand même pratique à traîner. Le magasin des choses utiles. Sauf notre stock de sourires d'enfants pour petits yeux sans descendant. On a des membres de remplacement, on a même des nouveaux cerveaux. J'espère que les épais souvent soient convaincus d'avoir ce qu'il faut pour réfléchir convenablement. Les chiffres sont un peu décevants. Des cerveaux, on n'en va pas gros. Des cerveaux, on n'en va pas gros. Le magasin des choses utiles. C'est comme un magasin normal. Le magasin. C'est pas une boutique mercantile. On prend pas l'argent de toute façon. C'était les Connards à l'Orange. Les Connards à l'Orange avec la pièce Le magasin des choses utiles à Assemblage requis. Toujours dans le Véronique Sionnaire avec Véronique Mire. On était en plein milieu de la deuxième partie de la lettre C. Hein? Oui! Oui, donc on approche de la fin de l'alphabet. Éventuellement, on va bien finir par s'y rendre, mais il faut commencer par l'avant-dernière lettre. Ben oui, ça avance. Ça recule. Cas, voyons bon ça comme terme. On veut. C'est ça. Faut faire attention. Mm-hmm. Donc, je vous ai parlé tantôt de la petite culotte. Restons dans le thème des vêtements maintenant avec la cravate. Cravate. Ce qu'on offre pour l'anniversaire des personnes qui ont au-dessus de 40 ans. Ben, qui a été vraiment un des cadeaux offerts à la fête des pères, un des plus populaires oui. là, à travers les années. Alors, la fameuse cravate tient son nom, qui serait une altération du nom croate. OK. Alors, c'était des soldats de cette région qui ont été enrôlés par Louis XIII, qui portait un foulard autour du cou pour se protéger du froid. Ah. Alors, qu'on a appelé cravate avec le temps. Alors, sont devenus des émules là, de cette mode-là. Parce que au 17e siècle, qui est considéré comme le siècle de tous les raffinements, la cravate a facilement pris la place du jabot, donc le col en tissu là, que les hommes mettaient un espèce de faux col un peu bouffant là, par-dessus leur chemise, qui lui-même avait pris la place, heureusement, de la fameuse fraise, la collerette qu'il portait autrefois. Alors, le roi Soleil, en 1669, a eu le luxe d'avoir un cravatier, hein, mm-hmm. puisque comme c'était la mode, lui, il voulait pas s'en faire passer une, il voulait être à la mode tout le temps. Son cravatier qui avait aussi le choix de ses boutons de manchette et de ses diamants qu'il portait pendant la journée. Et comme le roi Soleil avait une multitude de courtisans, hobereaux et bourgeois dans sa truite. Ben c'est drôle vraiment. Parce que tu parlais de cravate puis je pensais à crevette. Fait que c'est, chacun ses fruits de mer, faut croire. C'est ça. Alors, chacun s'est entiché de sa cravate à sa façon. Mais la cravate de l'époque n'avait rien à voir avec la cravate d'aujourd'hui. Hein. C'était vraiment une simple bandelette là, ou une bande de lingerie de tissu dont l'extrémité pouvait être nouée autour du cou, évidemment. Donc, plutôt une genre de foulard là, qu'on nouait comme on voulait bien pour ceux qui... Un peu comme les littéraires et autres philosophes et avec leur foulard... De poète. De bohème. De bohème. Ah, de bohème. Bohème, ouais, voilà. Poète. Oui. Donc, on le tournait deux fois autour du cou, les pans flottaient, on faisait un nœud simple pour ceux qui étaient plus chics, okay. disons. Sinon, pour ceux qui étaient plus lâches ou malhabiles, on se contentait simplement de faire un nœud qui était déjà fait et on la nouait derrière le cou. Donc, ça devait être assez spécial. Mm-hmm. Ensuite, pendant la Révolution, les baladins et les artistes, justement, en parlant de foulard tantôt, au 19e siècle, portait plutôt la lavalière plus souple, faussement négligée, là, pour se donner le petit look. Faussement négligée, ouais, faussement négligée. Tu sais que c'est voilà. tellement arrangé pour avoir l'air pas arrangé, là, tu sais. Ben, ouais. c'est ça, hein. Donc, aujourd'hui, c'est les cheveux qui ont l'air faussement oui. négligés. À l'époque, c'était la cravate. Mm-hmm. Donc, autre chose. Puis, l'histoire du nœud a toujours créé un problème, là. Bon, comment savoir faire un beau nœud de cravate? Fait que le nœud papillon a un peu réglé ce problème-là. Celui, c'est avec l'élastique ou la pince encore plus. Aussi, ouais. c'est vraiment. Ça. Qui tient son nom de l'opéra italien Madame Butterfly en 1904. C'est le cravatier new-yorkais Jesse Langsdorff en 1924 qui, lui, a décidé de couper la cravate dans la diagonale pour lui donner sa pointe et qui l'a montée en trois parties pour qu'elle soit plus résistante. Donc, les trois parties de la cravate sont la face avant, la face arrière et le tissu central. On parle plutôt du tissu, là. On parle pas de nécessairement le nœud, ce qui pend et tout ça. Ouais. En la faisant de cette façon, à la diagonale, ben, le tissu retrouvait facilement sa forme originale. Il n'était pas tout fripé quand on le défaisait. Ah. Voilà pour la cravate. Maintenant, Coca-Cola ouais. et mm-hmm. cocaïne. Ah, on se demande tout le temps si c'est vrai ou pas, ça. Est-ce vrai ou non? Ben, à l'origine, c'est un pharmacien d'Atlanta, John Pemberton, en 1886, qui a inventé le Coca-Cola. Qui était effectivement, qui contenait de la cocaïne, parce qu'à l'époque, on créait toutes sortes de médicaments, des toniques, des poudres, des pilules composées de cocaïne, parce qu'on pensait que ça pouvait guérir toutes sortes de maux, comme des maux de tête, la fatigue, les nausées, l'asthme, l'impotence. Donc, la cocaïne était utilisée dans des remèdes pour guérir toutes sortes de choses. Lui, il a décidé de créer le Coca-Cola parce qu'en France, il y avait un rafraîchissement, là, un breuvage qui était très, très populaire, qui était du vin de coca, qui était fait avec de l'extrait de feuilles de coca et du Bordeaux, du vin Bordeaux. Fancy! Ouais. Mais comme à l'époque, on se ramène là, début 1900, on était dans l'époque un peu là, de la régulation là, de l'alcool, la prohibition, oui, voilà. Donc, lui, il a décidé de contourner ça en n'utilisant pas de vin. Il a décidé plutôt de, prendre l'extrait de feuilles de coca. Évidemment, cocaïne, là, c'est quand même pas bien mieux. Avec du sirop de sucre. OK. Sugar syrup. Ouais, du sirop de sucre. Ouais, là, sirop de sucre. Sirop. Donc, ouais. Et ajouter de l'extrait de noix de cola, qui a donné le nom Coca-Cola. La cocaïne n'est pas devenue illégale aux États-Unis avant 1914, hein, donc ils pouvaient en utiliser là, dans ces breuvages. Mais en 1903, là, les gens ont commencé à trouver ça un peu douteux, là, d'utiliser des drogues pour faire tout ça. Alors, la manager de Coca-Cola a réussi à presque tout enlever les traces de cocaïne dans le breuvage petit à petit. Et elle a été complètement enlevée en 1929 quand les scientifiques ont réussi à enlever totalement la cocaïne de l'extrait de feuilles. Un jour, ils vont ramener ça. Je suis sûre que oui, hein? Ah, ouais. Donc, voilà pour coke et cocaïne. Nouvelle formule. Nouvelle formule. Avec un petit kick de plus. C'est ça. Pour vos matins difficiles. C'est ça. Donnez-vous du pep. Plus besoin de boissons énergisantes. Mais pas du Pepsi. Ah! Attention! Puis un autre animal intriguant, le caméléon. Ah oui! Oui, le caméléon, qui est un reptile, hein, mais qui ne rampe pas, il marche ou il grimpe, mais il est un très piètre marcheur sur la terre. Il se déplace très lentement, avec beaucoup de prudence, mais dans les arbres, il est un habile acrobate, puisque ses pattes, si on veut, là, contiennent chacune 5 doigts soudés en deux groupes qu'il peut transformer en pinces pour s'accrocher aux branches soudés et aux feuilles. Soudés en deux groupes, un peu comme des mains palmées, coupé en deux au milieu, mettons. Oui, c'est ça. Ouais, wow. Donc, ça lui crée des bonnes pinces pour s'accrocher aux arbres pour se promener là, en tant qu'acrobate. Le caméléon vit de façon plutôt solitaire et très territoriale. Il a son petit arbuste à lui ou son buisson qu'il défend ardemment, puis il le quitte parfois le matin en empruntant toujours les mêmes tracés routiniers. Très routiniers. Fait que c'est spot pour aller se faire chauffer au soleil, fait si on veut. Pour un animal qui est supposé s'adapter à plein de choses avec les couleurs, le caméléon est finalement pas mal plate. C'est ça. Ouais. Donc, il fait pas mal tout le temps la même affaire. Puis, il supporte aucun intrus sur son territoire. Alors, quand il y a un importun qui arrive, que ce soit un prédateur, un autre animal, même un autre caméléon, sauf en période de reproduction, ben il va vite tenter de l'impressionner. Fait qu'il va gonfler démesurément son corps, va se dresser sur ses pattes, se balancer, puis il ouvre la gueule en soufflant, puis même parfois en grognant. Fait que ça doit être quelque chose, hein? J'avoue. À voir, ça doit être comique. Donc, le caméléon peut changer de couleur, ce qui lui permet de se fondre dans son environnement, mais pas de se camoufler. Ah. Alors ça, c'est une fausse croyance qui a été défaite, en fait, depuis 1938. Tu es en train de défendre nos rêves, toi. Fait que c'est pas rien, hein? Ben ça fait, moi encore, je pensais que c'était vrai, cette histoire-là. Alors, c'est un scientifique... là, j'ai juste son initial de prénom. Là, je suis déçue de moi-même, mais c'est Parker. Parker. En 1938, qui a découvert qu'en fait, le changement de couleur des caméléons était plus révélateur de ses émotions. Ah, c'est comme les petites pierres, les bagues, là, qui changent de... quand t'es jeune. Plus révélateur de ses émotions ou de la variation de sa température, plutôt qu'une façon de se camoufler. Parce qu'un caméléon qui a très peur, qui sent une menace, va devenir pâle d'inquiétude ou noir de colère. Et le soir, quand il dort, il devient presque blanc parce qu'il est calme et sa température se stabilise. Par contre, il se fond aussi bien dans son décor. Quand il est calme, il réussit à devenir quand même vert ou brun, dépendant de où il est. Et un petit bonus à son camouflage, le caméléon oscille constamment. Donc, quand il est camouflé dans un arbre ou dans des feuilles, il va suivre le mouvement du vent. Donc, c'est un bonus de camouflage. Sache que M. Parker, là, il n'y a pas de prénom. Ouais. Oh! C'est H. Partout sur Internet, c'est simplement H.Parker. Donc, ce serait peut-être à valider. Ouais. Ouais. Ouais. Ben, non, en fait, de pas utiliser son nom. Il y a vraiment plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus qu'il a décidé de ne pas utiliser son prénom. Peut-être genre Herbert reconnu. Parker. Parce qu'il est vraiment partout, là. Fait que je me dis, bon, ça ne doit pas être faux, mais en tout cas. Eh bien. La langue du caméléon peut être lancée à une distance égale à sa propre longueur. Oh, wow. Quand même, c'est pas long, rien. Ça. Alors, c'est un long tube qui est terminé par un bulbe rendu visqueux avec le mucus. Là. Fait qu'il peut attraper les insectes. Ouais. C'est grâce à ça. Au repos, le tube est replié en accordéon autour d'un os très pointu appelé processus antoglossus. Un os? Un os. Wow. Oui. Alors, quand il chasse et propulse sa langue comme une gâchette, là, comme si on pesait sur une gâchette, à la vitesse d'un 25e de seconde. Et elle revient en une demi-seconde. Fait que c'est un petit peu plus long rapide, à revenir. Quand même, ouais. Mais vite à déclencher. À part la déforestation, les deux autres causes principales de raréfaction des caméléons sont l'extermination de ses proies à cause de tous les pesticides, mais surtout le trafic pour en faire des animaux de compagnie. Ah! Ah. Parce que conserver un caméléon captif en bonne santé, c'est vraiment un exploit. Souvent, aussitôt qu'il va être mis dans son terrarium, ben, il va mourir assez rapidement. Oh. Donc, il faut vraiment être bon pour le garder en vie. Ce serait un bon épisode de sitcom. Il perd tout le temps un animal de compagnie dans une sitcom. T'sais. Mais là, en plus, ce serait un animal qui perdrait et qui se fondrait à son décor à cause de ses émotions. T'as une demi-heure là-dessus là, de fait pour toi. Couleur gravier. C'est ça. Il y a des croyances. Au Madagascar, on pense que si on rencontre un caméléon, ça annonce un malheur. Surtout si on marche dessus. Ben là, le malheur en premier va être pour le pauvre caméléon. C'est ça. Exact. Et les femmes célibataires, ben pas toutes, là, mais bon, dans certaines régions, l'accuse de pouvoir leur crever les yeux d'un coup de langue et de les empêcher de trouver un mari. Oh. Donc, les femmes célibataires. En République centrafricaine, on pense qu'il peut attaquer en crachant dans les yeux une salive qui rend aveugle. Ah, mon Dieu! Donc, on se protège en tuant le caméléon. On garde un petit bout de peau pour faire un gris-gris. Hein? Donc, oui. Pour se protéger. Comme les pattes de lapin, etc. C'est ça. OK. Wow, puis ils font la livraison des meubles gratuitement, je pense aussi. Moi, ça, c'est meubles, Léon, excuse-moi. Ah! Caméléon. Ça, c'est la confondre. Mathieu. Mm-hmm. Maintenant, pourquoi on dit qu'il ne faut pas mettre nos coudes sur la table quand coude. On mange? Ah, coudes. Ça, j'y crois pas à cette histoire-là, moi. Ça fait religieux, sûrement. Ben, c'est parce que la madame, là, qui... Ouais? Ça fait du bruit. Ouais, ah. Ça, j'avoue que sur la table du studio, je préfère que les gens mettent pas trop leurs coudes. Parce que ça fait des gros... C'est ça. On aime pas ça. Ça doit être la même raison. Peut-être. Mais je sais que c'était une... question d'impolitesse oui. Autre, dans le temps. Ben, c'est clairement pas pour salir, là, je veux dire, en tant que tel, nos coudes sont sûrement un des endroits les moins sales, qui touchent à rien. Ouais, non. Ouais. Mais c'est parce que t'as l'air lâche. Oui, mais t'as l'air... Ouais. En tout cas, bref, on va te laisser répondre. Hein? Oui, hein? Donc oui, raison de politesse. En fait, il y a aussi deux théories, comme tantôt pour les coquilles. Alors, au Moyen-Âge, bon, comme on était souvent très nombreux à la table, pour donner de la place aux autres, donc, si on met nos coudes sur la table, on prend plus de place. Ouais. Donc, cette raison-là, simple. Il y a une autre théorie plus sanglante. Donc, au Moyen-Âge, comme les repas pouvaient rapidement devenir mortels, souvent, quand on faisait des banquets, il y avait des fois c'est des vrai. Ennemis à la table qui pouvaient avoir des dagues dans leurs vêtements. Alors, On voulait pas que les gens mettent leurs coudes sur la table ou cachent leurs mains sous la table. Alors, on demandait à tout le monde de mettre leurs mains sur la table et non leurs coudes pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils vont pas dégainer et tuer l'autre à côté. Mais pourquoi t'invites tes ennemis à ton banquet? Mais, tu sais, dans le temps, là. La politesse. Non, on appelait ça du marchandage. Marchandage, oui. Maintenant, là, vous allez me trouver plate, là, mais coquillage. Pourquoi c'est... C'est sûr que oui, en tant que tel, c'est une collection un petit peu plate, mais, mais ça peut être beau. C'est intéressant. Pourquoi on entend la mer dans un coquillage? Ou pourquoi on pense qu'on entend la mer? La forme du coquillage. Parce que c'est comme un gramophone. C'est petit d'un bord, grand de l'autre. Je sais pas. Honnêtement, ça, je sais pas. Ben, c'est vraiment qu'on associe les coquillages à la mer, mais en fait... Ce que je voulais vous demander comme question, c'est est-ce qu'on entend vraiment la mer dans ce coquillage? Non, c'est sûr que non. Non, on n'entend pas la mer. Tu te caches l'intérieur de ta tête. Je sais pas, non, C'est quoi t'as dit? C'est-tu l'intérieur de ta tête que t'entends? Ben, t'es pas loin. Oui, effectivement. Donc, en fait, ce qu'on entend, c'est nous-mêmes, notre organisme, la circulation sanguine qu'on entend parce que le coquillage crée une sorte de chambre de résonance. Puis comme la pression intérieure est égale à celle de l'extérieur, ben, on entend le sang. Il n'y a pas une partie de l'oreille qui s'appelle le coquillage aussi? Il me semble. Le caméléon, le colmier le maçon. Je vais aller voir pendant que tu parles. Donc, le son serait le même si on mettait notre main devant notre oreille. J'ai essayé de le faire, mais ça dépend de la grosseur de la main. Je pense qu'on peut pas tous y arriver. Il faudrait faire le test avec toutes sortes d'affaires, là, des plats de plastique. Puis, probablement, ça ferait la même chose. C'est le limaçon. Limaçon. On n'était pas loin. Ouais. Pour terminer, comme toujours, j'aime bien vous faire quelques mots de vocabulaire que j'ai trouvé. Alors, ce serait quoi la canicie? Canicie, c'est comme calvitie. Canicie. Hey, attends. Tu commences à caler de ta canne de conserve. C'est ça, j'allais dire. De la canicie, ça sonne maladie. Enfin, je dirais que c'est une maladie. Fait que là, c'est pas des animaux, des insectes, c'est des maladies. Il y a deux semaines, c'était tout le temps des animaux sur l'Italien. OK. Canicie, bien, avec les cheveux, on n'était pas loin. Donc, un nom féminin, évidemment, qui est la décoloration du système pileux, qu'elle soit normale ou pathologique. Cool. C'est comme une maladie, ça. Ben, presque. Sinon, c'est comme ici, Radio-Canada. Ici, canicie. Ici, canicie. Donc, on peut souffrir de calvitie et de canicie. Les deux en même temps. Mm-hmm. Mm. Qu'est-ce que la casuistique? Et là. On dirait un casou comme un gazou. La casuistique. C'est quand tu parles comme de la linguistique de gazou. Fait que tu connais l'alphabet avec ton gazou. Casuistique. Je veux dire que c'est la connaissance du casual. Du casual. La casuistique est aussi un nom féminin. Donc, dans la religion, c'est la partie de la théologie morale qui s'attache à résoudre les cas de conscience. Okay. Ou, en littérature, la tendance à argumenter avec une subtilité excessive, notamment sur les problèmes de morale. Ça, c'est la casuistique. Et ça ressemble au popsicle It's a Kadoozy. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme un long bâton torsadé de couleur, là, c'est un popsicle. Oui, oui, oui. It's a Kadoozy. Ah, ben. Ouais. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'on dit qu'il est chenu ou elle est chenu? C'est pas le langage, c'est à l'envers. Là, c'est comme il est repu ou il est, tu sais, pour un ripou, comme un poussi pourri. Donc, c'est quoi? Chenu. C'est nuche. Chenu. Comme une nuche. Fait que c'est une white girl's de nuche. C'est quelqu'un qui manque de connaissances générales, mettons? Ouais. Chenu. Ben, on est dans le même un peu de thème que la canicie de tantôt. Quand quelqu'un on dit qu'il est chenu ou elle est chenue, c'est blanchi ou marqué par l'âge. Je savais pas. Bon, tu vois, on est dans le chef, finalement. On voulait s'en prendre au monde. Ouais. Que veut dire le verbe chicoter? Chicoter. Ça me chicote. Ah, ouais. Chicoine dans Watatata. Quand il réfléchissait, chicoter. C'est vrai. Ouais. Je vais dire que le verbe chicoter, c'est... Genre, ça te dérange. Ou, c'est quand tu fais tes besoins numéro 2, mais ça te coupe les... Ça chicote. C'est dégueulasse. Ah, je sais, excuse-moi. Ben, en fait, moi, j'ai été très étonnée parce qu'on dit ça, hein, ça me chicote tout ça, mais ça n'a rien à voir. Ah. Le verbe chicoter, c'est pousser son cri en parlant de la souris. Hein? La souris chicote. Ah. Ben, je savais pas. Donc, fait que c'est le cri de la souris. C'est le cri de la souris. C'est aussi l'acteur québécois. C'est l'action du cri de la souris. Gilbert chicote. Il a fallu que je le cherche pour être sûr de faire comme... chicoter. Et pour terminer, c'est quoi le coriza? C'est le coriza. Coriza. Ça sonne épice. Oui, oui, on dirait une... Chorizo, la saucisse. Ah, ça ressemble bien... Non, en fait, le coriza, c'est le nom pour le rhume du cerveau. Le rhume du cerveau, en passant, qui est quand on souffre d'une rhinite aiguë ou d'une infection des voies respiratoires supérieures. Ouais. Ça existe vraiment. Oui, oui, oui. Ça s'appelle le rhume du cerveau. Ou le coryza spasmodique, c'est le rhume des foins. Ah! Le coryza spasmodique. On va essayer de l'intégrer. Parce que ouais, à la place de dire « Ah, oh, t'as le rhume des foins. Ah, t'as un coryza spasmodique. » Mais oui! T'as l'air vraiment intelligent quand tu sens ça. Ouais, pour la lettre C. Et oui! On a terminé. Un jour, on fera la lettre B. Toi et nous, ensemble, on se rappellera. On se rappelle et on déjeune. Et oui. On s'écrit sur Facebook pour se confirmer ça. Mais merci pour tout ce que tu as apporté à l'émission jusqu'à maintenant, Véronique. Ça me fait plaisir. Et à très bientôt. Oui. Passe une belle rencontre avec les gens haut placés que tu vas rencontrer beaucoup. Parce que tu es une femme de gratin. Oh, oui. Voilà. Gratin, chorizo. Chorizo. Là, c'est là, tu parles de la petite saucisse. Oui, oui, oui. Oui. Pas le rhume des foins, c'est ton repas, là. Non, non, non. Ben, amusez-vous bien, hein. Puis merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Plaisir. J'aime bien ça être ici. On adore t'avoir et je suis sûr qu'on va se reparler très bientôt. Oui. Merci, Véronique Mire. On prend une pause. Au retour, ce sera. Ta chronique à toi, je crois qu'on va avoir oui. le temps. Seigneur's gonna entertain you. On revient. Merci. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi, oh oh oh oh, assemblage Reiki pour toi, oh oh oh oh. Toujours à Assemblage Requiem, ce jeudi 17 mars 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va recevoir un invité spécial, en fait deux invités, pour parler d'un événement qui a lieu aujourd'hui. Ce à Passerelle, midi. Oui, du pavillon de la santé. Donc on en parle en quelques instants, mais avant ça, voici Mordicus et leur nouvelle pièce, c'est Nuit Blanche. À Assemblage Requiem. Au 89 FM. Si tu trouves que le temps file, il faudra quand même se lever demain matin. Si tu trouves qu'il se fait tard, j'arrêterai le temps. On vivra encore et encore. Chaque fois que l'on s'endort et que nos cœurs battent un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un rêve où tout est permis. Oh oui. Ton soleil brillera fort. Même si la lune est sortie et qu'il est 3 heures passé minuit, chaque fois que l'on s'endort et que nos dents s'aiment un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un rêve où tout est permis. Ah oui. We'll be right back. ces nuits blanches à Assemblage Rocky sur cette température que je qualifierais de half and half. Ouais, hein, il neige puis il mouille en même temps. C'est rare. C'est un phénomène de la nature. C'est ça. C'est quoi les chances que ça arrive? Incompréhensible. Et là là. Ça va faire un drôle d'environnement pour la conférence qui aura lieu cet après-midi pour Sol Zanetti. Et on recevra pour en parler à Valérie Deschamps et Gabriel Fournier. Bonjour à vous deux. Et bon matin. Merci d'être avec nous. Merci. Donc, vous qui organisez, j'imagine. Alors, en fait, premièrement, parlez-nous de vous un petit peu. Pourquoi est-ce que vous organisez cette conférence-là? En fait, c'est dans une envolée d'options nationales et de Sol Zanetti. Sol Zanetti qui se promène depuis déjà quelques semaines dans les cégeps et les universités du Québec pour faire des conférences, pour remettre au goût du jour, en fait, l'argumentaire indépendantiste. Donc là, il passe à Trois-Rivières, on le fait venir à l'UQTR parce qu'on trouve que c'est important d'en parler. Tu sais, les enjeux de 1995, disons, du dernier référendum, sont pas nécessairement les mêmes de notre génération de 2016. Là, donc, Ben justement, tu sais, en 1995, en tout cas, à mon expérience avec les filles à l'UQTR, il était peut-être pas né. Non, c'est ça. Rappelons-nous, c'est quoi l'enjeu qu'il y a eu en 1995 et pourquoi est-ce qu'on le ramène aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'en parler aujourd'hui qu'à l'époque? Ben, hein? La grosse question ce matin à 8h15. Ben, on veut savoir pourquoi est-ce que ça vous tient autant à cœur, cette question-là. Ben, on entend souvent parler que c'est un vieux rêve. Hein? Mm-hmm. Je dis cette phrase-là en lien avec la chanson de Fred Pellerin, « Jean du vieux rêve », comme quoi que c'est plus d'actualité. Alors qu'au contraire, je pense qu'aujourd'hui, en 2016, c'est encore plus d'actualité. Notamment, on en parle beaucoup là, aussi ici en Mauricie avec le BAP, avec le projet Oléoduc qui veut passer sur notre territoire sans qu'on ait un mot à dire dans des sujets comme celui-là, dans des sujets plus économiques aussi. Comme quoi que c'est encore d'actualité, c'est important d'en parler. Comme en 95, bah, c'est une chose, mais en 2016, est-ce que c'est de cette façon-là qu'on pourrait procéder? C'est justement ça qu'on parle aussi. Peut-être pas faire un référendum, en tout cas. Mmh. Ça parle pas mal dans le mouvement indépendantiste en ce moment. Puis en 2016, c'est important d'en parler encore. Puis notre génération, je pense qu'on a quelque chose à dire. Puis pour les fois qu'on peut parler, puis c'est le fun de se faire écouter, puis... Moi, ça me tient à cœur depuis longtemps, en fait, aussi. Bon. Là. Tu vois, j'ai posé la question, j'ai une réponse, ça a fonctionné. je absolument pas pour chialer contre personne, mais tu sais, il y a des gens, peut-être, des fois, dans la vie, qui ont l'opinion juste parce que les autres autour d'eux ont cette opinion-là, puis ils pourraient pas argumenter en faveur de ce qu'ils prônent. Fait que c'est bon de savoir ces choses-là. Ça découle souvent aussi de la famille puis de tout le monde qui t'entoure autour de toi. Exactement ça. Juste parce que tout le monde t'a dit que c'était oui l'indépendance, c'est là, tu dis, ben oui l'indépendance. Faut que tu saches pourquoi tu veux l'indépendance. C'est ça. Ben, c'est un peu l'objectif aussi du livre qui fait dire oui, qui justement, a été lancé. Parlons-en, c'est quoi ce livre-là, petit livre brun, là? Ben, ça, c'est un recueil, c'est une initiative du parti, en gros. Puis c'était vraiment un recueil d'auteurs. Il y en a plusieurs qui font partie d'Option Nationale, d'autres qui c'était plus sont hors du parti, mais qui ont décidé quand même de se recueillir ensemble. Puis justement, faut créer le livre pour faire donner des informations quand même concrètes, puis pas sans aller trop en profondeur, mais quand même donner un bon aperçu déjà de ce qu'on peut avoir si on devient souverain. Justement, ça va pousser plus tard. Ben, ça va le pousser plus tard après ça. Ils vont peut-être faire une autre édition. Ça parle déjà de faire une autre suite. Ouais. C'est un ouvrage de vulgarisation, finalement, pour que n'importe qui, tu sais, quelqu'un qui n'est pas nécessairement très politisé, qui s'implique pas en politique ou qui n'a pas une base en politique ou quoi que ce soit, puisse comprendre les enjeux actuels de l'indépendance. Là. On les explique. Oh, excuse-moi, je vais baisser ton micro parce que sinon il y a une espèce de. C'est cool. donc, c'est ça, c'est pas un livre de propagande. C'est un livre qui expose des faits, j'imagine. Oui, ça répond à des questions, finalement. Ouais. Les fameuses questions que nous, contrairement aux gens en 1995, exemple, on n'aurait peut-être pas comme réponse. Bien, on va parler en exemple de l'environnement. Dans ce livre-là, il y a plusieurs enjeux. On parle de 10 chapitres. On parle d'environnement, d'économie, la langue française aussi, mais on parle aussi des Autochtones, on parle des immigrants aussi. Et tu sais, l'enjeu de l'environnement, c'était peut-être pas une priorité en 95, alors qu'aujourd'hui, on le sent, c'est une priorité. On parle beaucoup d'environnement. L'économie, encore une fois, on n'a pas le même... Tu sais, on n'est pas dans la même façon de gérer l'économie qu'en 95. Il y a plusieurs façons de faire où on est rendu aujourd'hui. Dans le fond, c'est vraiment pour ça. C'est pas de la propagande. C'est biaisé du côté du oui, parce que le livre s'appelle le livre président. Effectivement. Oui. Après l'avoir lu, il faut dire oui. On peut dire promotion dans promotion, ce cas. Oui, j'aime mieux le mot promotion. Ouais. Propagande, c'est idéologique. Idéologique. Voilà. Et voilà. Je pense que oui. Et justement, le livre qui fait dire oui, il va être distribué cet après-midi. J'entends dire distribution de livres. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le donne à tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est surtout ceux qui vont être intéressés qui vont pouvoir l'avoir, mais oui, ils vont en avoir pour la distribution, puis ils vont pouvoir partir avec, puis lire. C'est justement, ça, ceux qui vont vraiment être intéressés vont pouvoir approfondir les sujets qui sont abordés là-dedans. C'est, sans vraiment rentrer dans les détails, justement, on effleure, puis c'est justement assez justement, qu'on veuille approfondir. Oui, tout à fait. Moi, j'ai entendu, en tout cas, la rumeur courait lundi soir à la Chasse-Galerie que ceux qui étaient indécis, on allait leur donner un livre. Ceux qui exactement. Étaient déjà de ce côté-là pouvaient donner un don ou un 5$, je ne sais pas trop quoi. Oui, ben, c'est un peu le principe. C'est le principe du livre. C'est un livre collectif qu'on se donne entre nous. On le lit une fois. Bon, moi, je l'ai lu, je le passe à un indécis qui, lui, va le lire. Et s'il n'est pas convaincu, ben, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas convaincu. Mais ce livre-là, par après peut être transféré à quelqu'un d'autre qui va le donner à quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est vraiment un livre qu'on donne aux indécis. Et ceux qui sont déjà partisans du oui, qui sont déjà pour le oui, peuvent donner un don, c'est 5$ en fait. Peuvent donner un nom. Un nom, oui, c'est ça. C'est ça, c'est un... T'es déjà oui, fait que donne-nous tous tes noms. Ou donne-nous une liste de noms pour arriver à dire oui. Oui. Voilà, bien ça, ça peut être des choses intéressantes justement cet après-midi. Si vous en connaissez des gens qui sont indécis, qui sont non, amenez-les. Ah, pour s'ouvrir au moins l'esprit, tu sais. Ça fait pas de mal à personne, on est pas méchant. Une idéologie, c'est difficile à changer. Quand t'es complètement d'un côté, c'est difficile de te faire voir pourquoi l'autre côté serait pas un imbécile de penser le contraire. C'est souvent ce qu'on dit, en tout cas, à mon avis. Surtout rendu en 2016. Surtout rendu sur les réseaux sociaux. C'est quand t'es pas de mon bord, t'es mon ennemi, puis je vais te tuer. Mais... C'est assez cinglant, ça, ce matin. On me dit cynique un peu. Okay. Un petit peu cynique. C'est bon. Ça m'arrive. Donc, planning de la journée, pour ceux qui s'intéressent, ça commence à 14h. Comment est-ce que ça se déroule? Dans quel ordre? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on procède? Où est-ce qu'on se rend? On se rend à la passerelle du pavillon de la santé. Là, ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est où. C'est la vitre transparente. Exactement, c'est beau. Super beau. C'est, en plus, c'est ça, c'est que ça va être beau. On va avoir toute la vue dehors avec la petite neige. Et là, il neige. Il neige pas juste des petits flocons, là, c'est comme des gros flocons. On avait vraiment un 50-50, un half and half. Tantôt depuis de neige, et là c'est que de la neige, mais elle est tellement légère. C'est romantique. C'est tellement beau. Donc on va parler de politique avec ça, Zanetti, sur une baie vitrée qui mène vers un hiver québécois. Puis on veut faire un pays avec ça. Exactement. C'est ça. Donc c'est à 14h à la passerelle. Vous vous présentez à la passerelle vers 14h. On commence tranquillement avec une discussion. On jase entre nous. Là, on est là pour jaser. Il va y avoir, comme on disait, une distribution du livre qui fait dire oui. Il va y avoir aussi un kiosque des éditions du Québécois. OK. C'est quoi ça? Les éditions du Québécois, ben, c'est une maison d'édition. qui publie différents livres. Mais il va y avoir plusieurs livres en vente. On pense notamment à celui d'un étudiant ici, Jean-François Veilleux. Ah oui. Son livre sur les patriotes qui sera là. Jean-François Veilleux, c'est justement lui qui va être là pour les livres des éditions du Québécois. Après la discussion, c'est ça, Zanetti qui va prendre la parole. Il va expliquer les enjeux actuels de l'indépendance. Il va parler évidemment du livre. Le livre et la conférence, c'est une seule chose. Oui, exactement, parce que c'est parler des enjeux qui se retrouvent également dans le livre. Donc, vers 15h, c'est la conférence. Par la suite, on y va avec une période de questions, on s'amuse, on jase. Dans le fond, le but, c'est ça aussi, c'est provoquer une discussion, provoquer le débat, jaser entre nous pour faire avancer l'idée. Même si quelqu'un est contre l'idée, il peut venir... Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas juste pour ceux qui sont déjà oui ou indécis. S'il y a des non, on peut y aller et créer une espèce de débat. Comme on s'imagine que Zanetti va avoir des arguments... Mais c'est ça, c'est que j'imagine qu'il va y avoir des gens aussi qui vont y aller. Ouais, si vous êtes convaincu de votre idée, venez nous voir, puis on s'en reparlera après, justement. C'est ça. Justement, c'est comme on l'a dit tantôt, ceux qui sont convaincus de leur idée, il faut quand même essayer de voir l'autre côté un peu, un petit peu. Ben, je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est aussi notre mandat de s'ouvrir l'esprit sur les différents enjeux, qu'on soit pour ou contre une idée. Ouais. C'est justement d'aller voir c'est quoi l'autre côté, puis après ça, se former une idée, parce qu'on peut pas... J'ai bien de la difficulté avec une idée qui est préconçue et qu'on s'en... on se fait pas nous-mêmes. Dire, moi, je veux rien savoir de ça. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi l'autre côté. Je suis très d'accord avec toi. Et en voyant l'autre côté, ça peut aussi juste renforcer ton opinion que t'as déjà. Ça... Voilà. Donc, il y a plein d'avantages d'aller là. C'est à 14h, passerelle du pavillon de la santé, juste à côté de la Chasse-Galerie. Vous ne pouvez pas vraiment la manquer. Non, exactement. C'est le seul pavillon qui est beau. Il va y avoir Non, c'est blague. On l'a bien fait, celui-là. C'est mon côté cynique encore. Ah, oh, l'université. Pourtant, elle est magnifique. Oui, oui. Ben, tu sais, est juste un petit peu comme Pile-Mail. Ouais, c'est mais beau, mais c'est dépareillé. Ouais, mais là, n'en disant pas trop. Ça coule un peu ces temps-ci, ça... mais... C'est ça, peut-être qu'il y a de l'eau dans tous les pavillons en ce moment, puis des poubelles en dessous, mais tu sais, ça, c'est juste la décoration, tu sais. C'est prévu. Il aurait dû prendre des poubelles Ikea, ça aurait été au moins beau. Des poubelles Ikea? C'est beau, des poubelles Ikea. J'ai son charme. J'ai jamais... Non? Non. Ouvre tes esprits, Valérie Deschamps, t'as un préjugé contre Ikea. Attends, les poubelles d'Ikea. Bon. C'est ça, faire une entrevue à Assemblage Requis, on sait pas trop où ça s'en va. Alors, 14h, passerelle du pavillon de la santé. Merci Valérie Deschamps, Gabriel Fournier de merci votre participation à l'émission. Merci. Et à vous passer quand vous voulez pour n'importe quoi. Eh bien, bonne journée. Vous êtes trop gentil. À cet après-midi. Ah oui? nous, on écoute une petite chanson de Winter Sleep. qui peut-être a rapport avec au moins l'Amérique du Nord, parce qu'elle s'appelle America. Hein? J'avais rien qui parlait du Québec, fait que c'est Amérique du Nord. Même si on est un pays, ça reste Amérique du Nord. Correct. Think of the time we had. The moment's truer now. It won't last. I don't wanna wave goodbye. Shout out a thousand times. I love you till the moment dies. What am I gonna do? I can't survive on. Is true? Is it just a waste of time? What am I trying to find? Are you alive? Oh my America, perennial with the earth and freedom, love and law and life. Perennial with the earth, my freedom, I don't wanna die. That you love to dance, but you don't know how. It doesn't mean that we can't try. Fix me in your twilight eyes, so we can make a moment last. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? C'était America par Winter Sleep à Assemblage Requis. On rappelle la conférence de Sol Zanetti qui aura lieu à 14h au pavillon de la santé de l'UQTR. Donc 14h pour le livre qui fait dire oui. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain ya. C'est là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Écoutez. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Requiem ce jeudi 17 mars 2016 et les Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est le moment justement d'entendre parler Tania Baudin avec sa si belle voix. Oh, c'est si gentil. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do Tania. J'ai eu un petit mal à gorge dans la chanson. Ouais, j'ai quand entendu, hein? Salut Tania. Hey, ça va bien? Dernière journée de la semaine, oui, ça va bien toi? Oui, dernière journée de la semaine, demain matin, on peut dormir un petit peu plus. Je pensais à dire on pelte la neige. Oui, ça se peut qu'on pelte. Pour ceux qui nous écoutent en direct, il neige des gros flocons. On dirait des copeaux de patates comme dans les films dans le temps. Tu sais, ils utilisaient ça pour faire de la neige, des copeaux de patates ou de la poudre de patates, je sais pas trop quoi, en tout cas, bref. C'était ça qui faisait la neige. Ça devait leur coûter vraiment cher. Mais ça ressemblait à ça. Bref. Mais c'est un peu triste, tu sais, ça avait commencé à fondre, puis là, ça revient. Ouais, joyeux sport. C'est ça. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Tali? Bien, hier, je vous ai parlé de l'importance de bien déjeuner. Ouais. Pourquoi c'était si important? Qu'est-ce que ça faisait dans notre corps si jamais on déjeunait pas? Et je vous ai aussi donné des comptes Instagram par rapport au déjeuner. Food porn, hashtag food porn, hashtag foodies. Eh bien, aujourd'hui, ça va être plutôt hashtag vegan. Oh boy! Oui, parce qu'en fait, j'ai tombé sur une vidéo YouTube d'une YouTubeuse québécoise qui s'appelle Lisandre Nadeau qui explique pourquoi les végétariens l'énervaient. Et là, je dis bien l'énervaient au passé à et fin. Non pas l'énervent présentement. Puis, j'ai regardé la vidéo et je me suis tout simplement dit pourquoi pas informer notre public, notre auditoire à qu'est-ce que c'est le végétalisme. Parce qu'en fait, être vegan, c'est pas être végétarien. Non, c'est pas le même mot. C'est végétarien. C'est ça, exactement. C'est pas la même chose du tout. C'est du végétalisme. Ça se ressemble beaucoup. Par contre, il y a quelques différences et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça en est. C'est une bonne idée, je pense. Les gens mettent tout le monde dans le même panier et jugent à outrance. Hein? Puis, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Ouais. Les gens vont commencer à adopter cette manière de vivre là qui est vegan. Et après avoir écouté la vidéo de Lisa Nadeau, j'ai beaucoup ri parce qu'en fait, c'est un petit peu la donne qu'on a beaucoup de gens qui mangent de la viande déjà. Ouais. Ceux qui sont pas à la base végétariens vont souvent juger ceux qu'ils sont ou ceux qui sont végétaliens. Alors qu'on pourrait aussi juste genre faire ce qu'on a envie de faire puis arrêter de chialer après tout le monde. Exactement, on préfère ça. On préfère ça. Par contre, dans la vidéo à Lisandre Nadeau, elle explique qu'il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait en sorte que les végétariens ou les végétaliens te tombent sur les nerfs. Et c'est pourquoi ça t'énerve. Quand ils parlent de leur cause, c'est ça. Quand ils parlent de leur cause. Parce que ça veut dire qu'eux jugent les non-végétariens. C'est pas exactement. Mieux. Exactement. Tout le monde devrait laisser le monde. Ou quand ils disent qu'ils veulent pas être en présence de gens qui mangent de la viande, qu'ils veulent pas se retrouver dans un restaurant ça où il y a de la viande. Ouais. Exactement. Elle dit, c'est pour ça que j'aimais pas les végétariens, mais je me suis rendu compte qu'ils sont pas tous comme ça. Ils sont très peu nombreux, ces gens-là, qui sont fervents, genre défenseurs. C'est ça. Ouais. Parce qu'elle dit, je voyais qu'il y avait comme de la haine des végétariens envers ceux qui mangeaient de la viande et qui nous respectaient comme pas dans notre choix de vie. Par contre, ce qui se passe, c'est que Lisandre Nadeau, présentement, elle est en train de faire le défi 30 jours végétarienne. OK, après le mois de février sans alcool, le mois de mars sans viande. Exactement. D'accord. Donc, elle fait le mois de mars sans viande et elle s'y plaît beaucoup pour le moment. Ouais. Donc, c'est pourquoi elle a décidé de faire justement la vidéo « Pourquoi les végétariens et les végétaliens l'énervaient au passé? » Parce que maintenant, elle comprend ce qui se passe un petit peu dans leur tête et pourquoi il y a cette espèce d'engouement-là autour de qu'est-ce que le végétalisme et le végétarisme. Et connaissant Internet, probablement dans la section commentaires, t'as un paquet de gens qui lui lancent des pierres parce qu'elle déteste les végétariens. Ils ont juste pas regardé la vidéo. Les gens font ça sur Internet. Oui. Ils lisent pas l'article, ils regardent pas la vidéo, mais ils se permettent de commenter comme des meilleurs, par exemple. C'est vrai. Oh, voilà! Oh, tout à fait. Mais premièrement, qu'est-ce que le végétalisme? Parce que, je l'ai dit, c'est différent du végétarisme. Ouais. Végétarianisme. Végétarianisme, en tout cas. D'être végétarien. D'être végétarien, c'est que tu ne vas pas manger de viande. Ouais. Tu vas continuer à manger des œufs, tu vas continuer à manger du poisson, des produits de la mer, des fruits de mer, tout ça. Le végétalisme, par contre, c'est vraiment une pratique alimentaire qui exclut tous les produits animaux. Ouais. Donc, que ce soit les viandes, les poissons, les crustacés, les mollusques, on parle aussi de sous-produits d'origine animale, dont, exemple, les produits laitiers, les œufs, la gélatine et le miel, parce que dans le miel, ça contient une espèce de gélatine naturelle qui vient de l'abeille, donc de ce côté-là. Mais en fond, c'est qu'on sont probablement contre la cruauté ou le traitement des animaux en général. Bien, je vais y arriver parce que je vais arriver à la question du pourquoi on devient végétalien. Ouais. Et la plupart du temps, vous allez voir, c'est justement parce qu'on a cette cause-là à cœur. C'est ça. Les végétaliers, comme je le disais, ça consomme des aliments provenant des règnes végétales. Donc, exemple, des graines, des légumes, des fruits à coque, des fruits avec écailles, des huiles végétales, des épices, des aliments fongiques, c'est-à-dire des champignons comestibles, des levures alimentaires non, non animales, des levains. Ça consomme aussi des aliments bactériens, donc des bactéries comme exemple la choucroute, on appelle ça une bactérie, et les produits, les sous-produits de plusieurs espèces de bactéries, comme exemple les capsules de vitamine B12. Et on va manger aussi des minéraux. Donc, on va quand même avoir du sel, du potassium, du calcium, puis tout ça. Mais bien souvent, ça va être en complément. Donc, on va aller chercher, exemple, ces espèces de petites capsules-là qui vont venir ajouter à notre alimentation. Qu'est-ce qui fait que tu deviens végétalien? Il y a comme un engouement ces temps-ci. Ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça se voit aussi par les gens qui sont connus. Il y en a beaucoup, exemple, que ce soit acteurs, athlètes, politiciens. Les gens prennent de plus en plus de place en disant « je suis végétalien ». Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont les accuser d'avoir suivi une certaine mode, c'est comme la mode sans gluten, mais c'est pas parce que certains suivent une mode qu'il faut que t'accuses tout le monde de suivre la mode. Non, exactement. C'est ça qui m'énerve un petit peu, moi. C'est vrai. C'est clairement juste pour être à la mode, non? Pas nécessairement. Mais non, c'est pas nécessairement ça. C'est qu'il faut comprendre aussi que la mode, elle amène quelque chose de bon. Ouais. Tu sais, bien souvent, on va dire, OK, ouais, mais tu fais juste suivre la mode, mais si tu comprends vraiment les raisons pour lesquelles la personne va suivre cette fameuse mode-là, il y a de forte chance que tu te dises « Ah, c'est pas si pire que ça, en fait. » Parce que j'ai en exemple une actrice qui est Jessica Barr, qui, elle, je veux simplement essayer de le retrouver, là, mais elle a adopté d'abord le végétarisme quand elle était adolescente et par la suite le végétalisme parce qu'elle voulait pas faire souffrir les animaux et elle voulait manger sans que ça laisse de traces de carbone. Parce qu'elle dit, on a maintenant beaucoup de preuves qu'une alimentation, exemple, riche en viande rouge, riche en viande et en produits laitiers, surtout non organiques, est vraiment reliée à une gamme de maladies complexes. Ouais. Organique étant biologique pour ceux qui suivent en France. Oui, exactement. Dont exemple, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer. Évidemment, le cancer, on dit que tout peut faire attraper le cancer de nos jours. Il faut savoir modérer les dires et les vrais. Mais bon, tout ça pour dire que toute la gamme des maladies les plus répandues, c'est souvent par rapport à une alimentation qui découle de ce mode de vie-là que de manger de la viande et des produits laitiers à tous les jours. Parce que si on va voir, exemple, je sais pas moi, en Moyen-Orient, puis tout ça, c'est différent et ces maladies-là sont beaucoup moins présentes. Notre système d'alimentation n'est pas le même et c'est peut-être de là que découle la popularité du végétalisme aussi, c'est qu'on s'est mis à un certain point à beaucoup voyager dans les dernières années. Ça se voit de plus en plus et les gens ont comme compris qu'ailleurs... on mange pas de la même façon, mais on a un mieux-être. Ouais. Donc, pourquoi pas l'adopter ici lorsqu'on revient? C'est souvent ce qui se passe. Mais comme je le disais tout à l'heure, une des raisons les plus... qu'on voit les plus souvent, la raison numéro un pourquoi on va être végétalien, c'est justement parce qu'en temps normal, on est motivé par des questions de morale, d'écologie, de santé. Comme disait Jessica Barr, l'actrice, elle veut pas faire souffrir les animaux. C'est vraiment dans le même style que le végétarisme, mais un petit peu plus loin encore, un petit peu plus poussé parce que vraiment, on veut éliminer toute trace de cruauté envers les animaux dans notre propre système. Il y a la deuxième façon aussi qui disent que certaines personnes y voient l'intérêt pour perdre du poids. Okay. Ça, je dirais que c'est peut-être plus le côté de la mode. Mode, exactement. Ouais. Pareil comme le gluten dans certains cas. Mais exact. C'est une pointe de gens. C'est ça. On a remarqué que oui, en changeant notre alimentation, on avait cette espèce de perte de poids-là. On pouvait arriver à notre poids santé. Par contre, on peut faire la même chose si on continue notre façon de vivre avec de la viande ou des produits laitiers. C'est juste qu'il faut doser la chose. Par contre, justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs acteurs, plusieurs athlètes qui sont venus, à un moment donné, dire qu'eux avaient utilisé ce régime-là pour pouvoir, justement, réduire leur poids face, à exemple, à une compétition ou quoi que ce soit et que ça avait changé leur vie et que par la suite, ils ont continué à adopter ce régime-là qui est végétalien. Cette méthode-là, c'est peut-être la méthode, comme tu dis, qui est la mode de dire que de devenir végétalien, c'est pour perdre du poids. en question, oui, tu peux le faire. J'ai aucun problème si tu le fais. Ouais. Mais à la base, sache que c'est pas pour ça que ça a été inventé. Ouais. C'est pas pour perdre du poids, c'est vraiment... Tu fais ce que tu veux. Pour une question morale. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. C'est parce que le succès international qui a vraiment été vendu par rapport à ça a vraiment contribué à mettre le végétalisme sur la map dans vraiment son entièreté ou à travers le monde au complet, et en le présentant surtout dans des livres de recettes, en disant qu'on allait être svelte, souple. Puis on présente un peu les livres de végétalisme comme des guides logiques destinés aux filles intelligentes qui voudraient arrêter de manger de la malbouffe et commencer à être fières de leur silhouette. Donc c'est vraiment, on en a vu l'opportunité de faire une grande, grande, grande campagne marketing, bien évidemment, mais c'est surtout le fait que si tu comprends ça, si les raisons pour lesquelles tu le fais, tu réalises que oui, il peut y avoir des avantages, de très bons avantages, surtout du côté de la santé, de ton métabolisme, puis tout ça, mais qu'il y a aussi des désavantages si tu pousses la chose, c'est vraiment de faire une grande recherche par rapport à qu'est-ce que tu veux, de lire sur le sujet, de t'informer, voire même de discuter avec les gens qui ont déjà ce fameux régime-là pour essayer de comprendre et pour essayer de voir aussi elle est où la limite, jusqu'où est-ce que tu peux pousser pour, exemple que toi, c'est ta motivation de perdre du poids par ça, jusqu'où tu peux pousser pour pas te rendre malade, bien évidemment, parce qu'il y a toujours, tu sais, il y a toujours une limite dans tout, là, il y a... C'est l'art de bien jongler les choses, disons ça comme ça. Il y a Mike Tyson, est-ce que tu savais ça? Mike Tyson, l'ancien boxeur, qui a été à Ellen DeGeneres, qui a été, en fait, montré après une transformation, justement parce qu'il a adopté ce fameux régime-là végétalien après, et il dit « c'est aucunement comparable ». Il dit « ça n'a aucun bon sens, c'est un sentiment terrible que de réaliser que avant, quand j'avais pas cette alimentation-là, premièrement, je me sentais beaucoup moins bien dans mon corps. Et deuxièmement, il dit que sans son, à propos de son alimentation sans substance animale, tout ce qui faisait... comment je pourrais expliquer ça? Parce que l'article est en anglais, mais tout ce qui faisait le rendait lourd. Ouais. Puis quand il a commencé à éliminer tout ce qui était animal, quand il a commencé à voir la différence... c'est quelque chose qui a vraiment changé sa vie et ses performances aussi. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, tu sais, oui, il y a du bien dans l'art d'être végétalisme. Et je dis pas ça parce que, tu sais, ma chronique ce matin n'est pas pour dénoncer quoi que ce soit. Là. Ah ouais. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui sont végétariens, végétalistes ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pareil comme option nationale. C'est ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des risques et des précautions aussi à prendre. Parce que c'est beau être végétalien. Tu vois beaucoup de légumes, tu vois ci, tu vois ça. C'est un mode de vie, tu sais, il faut que tu changes ton style de vie de A à Z. Donc, de ce côté-là, ça prend beaucoup de courage aussi puis beaucoup de volonté. Donc, moi, sérieusement, les gens qui sont végétaliens et qui décident de devenir végétaliens, je leur lève mon chapeau. Il me semble qu'on devrait admirer ce genre de choses-là. Exactement. Tu peux ne pas le faire toi-même parce que ça te tente pas ou tu crois pas, puis c'est bien correct. T'aimes juste trop la viande. Oui, puis c'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal dans rien dans ces affaires-là, il me semble. C'est ça. Tu fais ce que ça te tente. C'est pas compliqué, ouais. Tu y vas selon ce que tu veux. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est justement l'espèce de haine, amour-haine qu'il y a face à ça. Beaucoup de haine en général. C'est parce qu'en fait, on dirait que les gens qui respectent pas ça, le respectent pas parce qu'eux ne le font pas. Ouais, c'est ça. Ben, si tu penses pas comme moi, t'es un imbécile. C'est ça. C'est ça. De ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile, en fait. C'est juste un manque de respect. Donc, c'est d'essayer de respecter les gens qui soit changent leur mode de vie ou ceux qui le changent pas, tout simplement. Comme disait Lisanne Nadeau dans son vidéo, c'est pas parce que moi, je mange la viande qu'il faut que tu me juges parce que je mange la viande. C'est ça. T'as une morale qui est différente de la mienne, exactement, tout simplement. Exactement, c'est ça. Donc, du côté des risques et des précautions, bien, il faut comprendre qu'un régime végétarien ou végétalien mal équilibré ou trop strict va vraiment exposer à des carences en protéines, en fer, en calcium. Tout à l'heure, je vous disais que ces gens-là vont aller essayer de les prendre en complément bien souvent, en vitamine D, en vitamine du groupe B, notamment B12. Puis c'est avec ça qu'on commence à faire de l'anémie, des troubles neurologiques. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à la paralysie si on y va vraiment très, très, très strict. Mais en même temps, c'est le problème acquis. C'est ça. C'est leur problème. Exactement. Le régime végétalien, c'est fortement déconseillé chez les enfants. OK. Il faut qu'ils l'exposent comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a comme un retard de croissance si vous lancez vos enfants dans le végétalisme immédiatement. C'est peut-être là qu'il y a un problème en tant que tel. Si les parents imposent ça à leurs enfants, c'est pas nécessairement, en tout cas, à mon avis, c'est peut-être pas la chose la plus... Mais c'est qu'ils n'auront pas toutes les protéines, puis tout le calcium, puis tout les, justement le fer, puis tout ça, qui va faire en sorte que la croissance va être, entre guillemets, normale. Ouais. Tu sais, il y a des standards à côté quand on est un enfant, puis quand on arrive à un certain âge, ben là ça devient ton choix, mettons. Ouais, c'est exactement, tu peux le faire par la suite. Oui, tu peux aussi regarder de façon pas trop stricte, mais tu peux contrôler ce que ton enfant va manger, de bien évidence. Tu fais pas manger des poutines tout le temps, on s'entend. c'est une question de balance, mais c'est fortement déconseillé parce que justement ça réduit la poussée de croissance des enfants. Et c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Vous allez pouvoir peut-être remarquer aussi un manque de concentration du côté des enfants. C'est peut-être un petit peu plus dangereux que de leur imposer une religion, mettons. Exactement. C'est la même chose aussi pour les femmes enceintes. Ouais. Parce que les femmes enceintes ont besoin de beaucoup, beaucoup de fer et de protéines. Donc, les femmes qui ont adopté ce régime-là, bien souvent, vont essayer de le modifier lorsqu'elles tombent enceintes ou tout simplement d'aller chercher, comme je le disais, une espèce de supplément, exemple que ce soit en calcium ou en fer, pour justement ajouter à leur régime qui est déjà là parce qu'elles sont enceintes. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Il y a beaucoup d'avantages, parce que là, je viens de parler des risques, mais tu sais, je vous parle depuis tout à l'heure que oui, il y a des avantages, oui, la moralité, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, pourquoi on devient végétalien. Les avantages de ce régime-là. Non. Ce mode de vie-là, ce système-là, il y a beaucoup de modes d'alimentation courants qui ont un effet négatif sur la santé, comme je le disais, parce qu'ils contiennent trop de produits d'origine animale et pas assez de produits d'origine végétale. Par rapport à ces régimes déséquilibrés, il y a certains aspects du végétalisme qui représentent une très, très bonne amélioration, en partie parce qu'un régime végétalien satisfait ou encore dépasse souvent les recommandations nutritionnelles pour les fruits et légumes. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que si vous augmentez votre standard de fruits et légumes, votre consommation, tout ça, ça va amener des avantages. C'est juste normal. Quelqu'un qui mangerait de la viande qu'il ferait aurait des avantages eux aussi. Ouais. Les régimes sans viande contiennent beaucoup moins d'acides gras saturés, de cholestérol, de protéines animales, et ils contiennent plus de glucides, de fibres, de magnésium, de potassium, d'antioxydants aussi, toutes ces fameuses vitamines-là, vitamine C, vitamine E, toutes les vitamines qu'on recherche dans une très, très bonne alimentation. Puis au Canada, il y a les personnes qui évitent la viande, ont un indice de masse corporelle plus bas que ceux qui ont une alimentation omnivore. Donc, évidemment, il en découle une baisse du taux de mortalité à cause que, justement, les gens commencent à adopter ce régime-là de plus en plus. On voit aussi beaucoup moins de gens avec de l'hypertension, beaucoup moins de gens avec le diabète. Il y a une baisse des cancers de la prostate et du côlon face à tout ça. Mais en revanche, comme je le disais, il y a une étude japonaise qui semble indiquer qu'il existe un lien entre la consommation accrue de certains produits animaux et la baisse de certaines formes de maladies cérébrovasculaires. Donc, il faut voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut continuer à manger surtout? Parce que, tu sais, oui, c'est bien beau de dire « je change ma vie du tout au tout », mais si t'as pas le goût, de changer, je sais pas, moi, tu manges du saumon 3 fois par semaine. C'est pas changer, tu sais, le saumon contient plein d'oméga 3, le poisson aussi. Tu sais, il y a des avantages dans n'importe quel système d'alimentation que tu vas avoir. Il y a des désavantages aussi. Donc, c'est vraiment juste de faire le pour et le contre. Et comme je le disais tout à l'heure, de vraiment beaucoup s'informer par rapport à ce que l'on veut faire pour ça. Parce que, bien évidemment, c'est là que vous allez en comprendre le plus, c'est là que vous allez voir les avantages, les désavantages, vous allez pouvoir faire des recherches plus développées aussi. Puis évidemment, varier vos sources, parce que de lire seulement une source qui serait complètement du côté 1 et, ou du côté 2, A ou B, ça ne changera pas grand-chose. Ben c'est ça, ça prend toujours deux côtés à la médaille. C'est hein? Ça, en politique comme en alimentation. On l'étudie plusieurs fois, tu penses? Je voulais aussi vous présenter très, très rapidement Bob le chef, c'est un chef québécois, qui a un site Internet, nous présente 13 comptes Instagram végétariens et végétaliens. Wow, ça complète ce que tu as dit hier. Exactement, parce que lui aussi a décidé de faire ce fameux « moi-là » d'être végé. Le mois de mars. Le mois de mars. Mmh. Le mois de mars végé où on mange pas de viande. Donc, ils nous proposent vraiment beaucoup, beaucoup de comptes Instagram. Et je crois, si je ne m'abuse, que ce sont tous des comptes Instagram canadiens. Ah. Je veux pas m'avancer puis dire. Il y en a plusieurs, t'en as vu mais plusieurs. C'est ça, il y en a 13, j'en ai vu plusieurs. On parle aussi du compte Instagram de la SAC. OK. Ouais, il nous propose un compte Instagram de la SAC. À la place de manger de la viande, tu bois de l'alcool, c'est ça? J'imagine. Okay. Le compte Instagram que j'ai beaucoup aimé regarder, c'est Vegan Food Lovers. Tout collé, lovers avec un S, pour vraiment des photos colorées qui font demander pourquoi est-ce que je mange de la viande, moi, les 11 autres 11 mois ouais. de l'année. Tu sais, comme pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que les photos sont vraiment belles. c'est juste vraiment trop beau et ça donne vraiment l'eau à la bouche. Donc, de ce côté-là, je vais mettre le lien du site faire internet liens, de, ouais. de Bob le Chef pour que vous puissiez faire votre propre tri de ces comptes-là. Puis t'avais dit SAC, j'imagine que c'est la Société de l'assurance automobile et non pas la SAQ, hein, c'est ça? Non, c'est vraiment la SAQ. OK, fait que je me suis trompé, puis dans le fond, j'avais raison parce que tu t'es trompé. Oui, c'est oui, ça. C'est ça, t'as bien raison. Mais c'est bel et bien la SAC, là, la SAQ. C'est ça. La SAC, c'est la SAQ, je pense, non? Oui. C'est ça? Qu'on dit, communément, par la SAC. Moi, la SAC. Tu dirais la SAC. Ah, t'as raison. Tandis que la SAC, c'est la SAC. Ouais. Et on parlait de Mike Tyson tantôt. Oui. Est-ce que tu penses qu'Ellen DeGeneres a fait une blague sur le fait que c'est quand il a mangé l'oreille de l'autre qu'il a arrêté de manger de la viande? Peut-être. Sûrement que c'est son genre de blague. Et t'avais raison, c'est végétarisme hein, et non pas végétarianisme. Ah ouais? Ouais. Bon, tu vois. Est-ce que vous voudriez... Ben, je vais te poser la question à toi, ouais. mais si jamais vous voulez quelques idées de ce qu'on mange quand on est végétaliste, ben, j'ai quelques idées de à quoi ressemble un déjeuner, un souper. Donc, on va y aller vraiment avec un gruyot. Exemple, avec des canneberges, des amandes, une boisson fouettée aux fruits, donc aux ananas et à la noix de coco, parce qu'à la place d'avoir du lait biologique, on va vraiment aller chercher, exemple, un lait de coco, un lait de soya, un lait d'amande... ça va pas découler de la vache. Donc, de ce côté-là, entre guillemets, on est correct. Ça se fait bien, oui. C'est ça, ça se fait bien. Sur l'heure du souper, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que bien souvent, c'est là qu'on va se poser la question. Tu sais, pas de problème de déjeuner végétalien, mais rendu au dîner puis au souper, tu sais, mangerais pas de la salade 1000 fois par année. Ouais. Mais de ce côté-là, on peut faire des burgers végés aux pois chiches et riz brun, ce qui est excellent en passant. Ouais, on a déjà goûté à ça. Ben oui, le restaurant au centre-ville, Le bureau de poste ouais. a un excellent burger végé. On y va avec, dans ce temps-là, une salade de tomates. Sinon, on peut manger aussi des chili, ouais. mm-hmm. Chou-fleur rôti, tofu au curry. On essaie vraiment de varier et on essaie surtout de prendre de l'inspiration un petit peu partout. Donc, Instagram, comme je le disais, c'est bon pour ça parce qu'il y a plusieurs gens qui ont adopté ce mode de vie-là et ils le postent et ils donnent les recettes au grand complet. Alors, amusez-vous et surtout, comme je le disais, faites la recherche bon. Si jamais vous voulez adopter ce mode de vie-là. Génial. Ta liste... oui. Ta liste d'ingrédients pour tes recettes m'a donné envie, genre, de fruits puis de fraises, oui. de framboises. Ah, oh, tellement. Chambly, j'ai rencontré trois belles filles du pays. J'ai fait ridette à la jeune, c'était la plus jolie. Elle me clignait de l'œil en me disant ceci: allez, fraises, allez, framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle fille de la joie, jamais je me suis tant plus. Allez, fraises, allez, framboises, du bon vin j'en ai bu. Les fraises et les framboises, allez fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu, croyez-moi belle fille de la gloire, jamais je me suis tant plu. Ah, les fraises, les framboises, la famille Soucy, 1949, Tania Baudin, merci. Merci à toi, petit blond. On se retrouve pour une autre semaine de chronique la semaine prochaine. Oui. Tania is gonna entertain ya. Au retour de la pause, on se fait une grosse pointe à l'adresse. On va continuer sur la bouffe. Oui. On n'arrêtera pas. puis ça va être croustillant pas mal. Ah ouais! À chronique, chronique, chronique, chronique. J'ai hâte de voir ça. Restez là! Les fraises et les framboises. Et nous voilà partis dans les champs et les prés. À la fin de l'été, nous nous sommes mariés. À des fraises et des framboises. Du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, belle fille de la croix, jamais me suis tant plus. À des fraises et des framboises. Du bon vin j'en ai bu. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage Requiem ce jeudi 17 mars 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Il nous reste une vingtaine de minutes environ à l'émission d'aujourd'hui. Et pour terminer la semaine, comme on le fait toujours, on aime ça manger quelque chose pour pouvoir avoir un petit peu d'énergie pour la route. Oui. Pour la fin de semaine de 3 jours, dépendant des gens. Il y en a qui travaillent le vendredi, genre nous autres. Ah, ouais, c'est ça. On fait juste pas animer le vendredi finalement. C'est ça. Bref, voici une grosse pointe all dress. Il y a des bouts où on n'aime pas le vendredi, il y a des bouts où on n'aime pas pantoute. Donc, commençons avec le produit qu'on va goûter aujourd'hui, Tania. Je t'ai annoncé quelque chose de croustillant. Oui, ça m'intrigue. Parce qu'au départ... Et comment t'avais dit au départ? Ça intrigue, là. C'est intrigue, là. C'est rare qu'on rajoute des L. Mais regarde, tu fais ce que tu veux. On te respecte. j'avais acheté au départ du chocolat. Une barre que tu as certainement vu en quelque part. Je vais la garder pour la semaine prochaine, si tout va bien. OK. Donc, pour cette fois-ci, je vais vous parler, je vais vous faire goûter, te faire goûter à toi et sûrement les gens à la maison qui vont avoir envie d'y goûter aussi. C'est les nouvelles chips. Attention. Ouh. Hop. Tu sais, tu te rappelles de Double Dutch? Ouais. Double Dutch, ils ont comme changé leurs emballages et leur nom. Maintenant, c'est Double Dutch édition camion bouffe de rue. OK. Donc, Food Truck Edition. Et... étant donné que j'avais déjà goûté aux autres saveurs, à un moment donné, en onde, on avait goûté à... Je crois que c'était salouche à la viande fumée et moutarde. Ils ont gardé la saveur, mais c'est dorénavant, à la place des Double Dutch, c'est vraiment des Ridgies. Ah, OK. Donc moi, j'ai pris la version que j'avais pas encore goûtée. C'est la version ordinaire, ondulée originale. Mm-hmm. Mais ça reste dans leur catégorie Food Truck Edition. Qu'est-ce que ça a de Food Truck? On va le savoir en y goûtant. On voit sur la photo, sur la... Ouais, sur comme le devant, des patates. Des patates ondulées. Mm-hmm. Donc peut-être que ça a rapport avec ça. Peut-être que ça va goûter les vraies frites, genre croustillantes et bien cuites de Food Truck. C'est marqué doublement délicieuse et ondulée. Les Ridgies Double Dutch édition camion bouffe de rue. 235 grammes par sac. C'est écrit en arrière, jamais la saveur n'aura été aussi craquante. En donnant au doublement ondulé le goût extra des croustilles ondulées originales, nous avons créé la grignotine suprême pour votre prochaine fringale extrême. Il y a beaucoup d'adjectifs là-dedans. Mettre la barre haute, là. Sérieusement, doublement ondulé, goût extra, grignotine suprême, fringale extrême. C'est beaucoup de mots positifs. Donc, c'est par la compagnie Old Dutch qu'on connaît pour leurs chips normales. On les connaissait pour leur Double Dutch aussi. Je me demande si un jour, les Double Dutch vont devenir simplement des Ridgies, parce que le logo Ridgies est pas mal plus gros. Là. Peut-être. Je sais pas si Ridgies est pour faire similaire à Ruffles, parce que le logo est en diagonale, courbé un peu avec les lettres qui bougent et les chips qui servent de points sur les i. Donc, d'après moi, Ridgies est pour faire compétition aux Ruffles. On va bien voir si c'est aussi bon que des Ruffles, parce que c'est parmi mes chips préférés, les Ruffles, facilement. Côté ingrédients, j'ai jamais vu à date dans une grosse pointe en dress, à part pour les produits de Stéphanie Paradis qui était très végé dans le temps, pas végé, santé. Mm-hmm. J'ai jamais vu une liste d'ingrédients aussi courte sur un de mes produits à moi. Pommes de terre, okay. Huile végétale, mm-hmm. Sel. Ah mon Dieu! That's it. Ben, c'est bien. C'est quand même bien. 50 grammes, 25 croustilles, environ 270 calories, donc ça reste gras. Ouais. Mais quand même, on va essayer. C'est Double Dutch Food Truck Edition, Ridgies, édition camion de rue en français. Floup! Dans le corridor où les accidents sont impossibles. Le corridor sécurisé qu'on devrait l'appeler. Micro 3, Micro Magique, est là pour nous écouter. Toujours de la difficulté avec les sacs. Toujours de la difficulté en général, toi. Ouvrir les trucs. C'est vrai. Faudrait l'avoir avec un kimono. Incroyable. J'ai aucun commentaire à penser là-dessus. Ah, voilà. Je l'ai eu de façon assez remarquable. Merci. Est-ce que tu veux que je l'ouvre au complet? Ah oui, vas-y, vas-y. Ah, c'est plaisant, ça. Ben, je vais t'avouer que ça sent les patates normales. Les pitiates! On veut que ça sente les pitiates. C'est bon, les pitiates. Ah, attends, je vais fermer le micro. Ça sent... Il y a une sorte de... Il y a une sorte de chip. OK, je vais t'en donner des Lays. Non. Des... Old Dutch. Ouh! Ah, c'est peut-être ça, parce que c'est la même compagnie. Old Dutch. Je pense que oui. Peut-être ça. Je pense que c'est les Old Dutch bon, qui sont. Bon, tant mieux, parce que c'est certainement certaines des chips les plus croustillantes que j'ai jamais eu la chance de goûter. Là, je m'en prends genre trois. Je vais m'en verser moi aussi. Je vais te reprêter le sac dans le corridor magique. Merci, toujours aussi long comme transition. Ça ressemble vraiment à des Ruffles. Des Ruffles en apparence, tu veux dire? Oui. OK. Est-ce que tu trouves qu'elles sont vraiment doublement ondulées? Parce que non. C'est quand même ondulé serré. Oui, c'est vrai. Donc, peut-être pas double, mais peut-être un et demi, maintenant? Oui. De distance. Est-ce qu'on croque? Moi, j'y regarde, en tout cas, elles ont les côtés grillés un petit peu plus. Hein? Je sais pas si tu remarques, mm-hmm. Il y a comme du brun sur les côtés. C'est vrai. En tout cas, sur la mienne. J'imagine que c'est dans la volonté de rendre ça plus croustillant encore. Sûrement. En les faisant cuire un petit peu plus longtemps. Donc, ouvrons la bouche bien grand, comme une hostie. Un hostie? Un hostie? Une hostie? C'est vrai que l'odeur est très, très Ruffles ordinaire. À vous, hein? Vraiment. Ruffles ordinaire à fond. Mais c'est l'huile qu'ils utilisent. Ouais, sûrement. Ok, on goûte. Ok. Un petit peu plus croustillant. Il y a un petit goût de. C'est plus. Ça goûte le cuit plus. Ouais? Mais ça goûte les Ruffles, là. Oui, oui. C'est des chips ordinaires, il n'y a rien de vraiment original ouais, là-dedans. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils sont très, très, très croustillantes. Très bon. Et pour vrai, les gens ont tendance à mettre de côté les chips ordinaires. Oh non, moi, c'est mes préférés. Ça remplit une fringale pas mal. As-tu deux chips à la fois? Ah! Non, deux chips à la fois, c'est encore plus croustillant. Ah bon, faut pas, c'est bon. Non. C'est vrai? J'achète. J'achète beaucoup. J'aime bien. Ouais. C'est ça qu'on avait goûté à la radio, c'était là, peut-être, je dirais un an, peut-être un an et demi. C'était c'était aux pommes de terre éclatées, là. C'est aux crème sure et oignons, c'est les Double Dutch crème sure et oignons. On n'avait pas goûté à sandwich à la viande et moutarde. Évidemment, je vais pas essayer toutes les sortes en nombre. Mais non, là, c'est ça. Mais sachez qu'il y a ça. Ça existe encore. Ils ont juste changé de nom pour les Ridgies Double Dutch Food Truck Edition. Mais ils sont encore disponibles et je trouve ça excellent. Je vois pas vraiment pourquoi, par contre, ils ont mis les frites en arrière-plan. Ben, pour parce que ça goûte pas les frites. Non, absolument pas. C'était, j'imagine, pour montrer l'ondulation de la frite, d'après moi. Sûrement. Bon. Bref, moi, je mets le doigt en l'air, le pouce en l'air. Oui, pas n'importe quel doigt, le pouce. Le pouce. C'est ça. Parlons de nouvelles de fast-food. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être une dizaine de minutes environ. Donc, commençons par la Saint-Patrick, qui est aujourd'hui pour nous en direct, jeudi 17 mars. Oui. Tradition annuelle chez Brugger's. C'est une place qui fait des bagels. Oui. Et ils offrent des bagels verts pour la Saint-Patrick. Oh, c'est dommage cute. Disponible les mercredis 16 mars hier et jeudi 17 mars aujourd'hui. Et la chaîne a commencé à offrir ces bagels verts-là en 1997 à Pittsburgh. Donc, vous pouvez en commander à distance et peut-être vous les faire livrer par quelqu'un, j'imagine. Mais je dois avouer que ça n'a pas l'air tant appétissant que ça. Pas tant que ça. Ensuite, peut-être avez-vous vu les Kit Kat géantes en magasin récemment? Non. As-tu vu ça? Pas moi. Kit Kat aux biscuits, crème, etc., etc. Peut-être un indice sur le produit de la semaine prochaine. OK. Maintenant, on a aux États-Unis la Kit Kat Big Cat. Oh! Donc, des barres à partager en très, très épaisses et très grosses. J'ai vu ça sur une publicité sur Casa. Ah! Intéressant. Fait que j'imagine que ça va arriver au Canada bientôt. Ben, Colin, tant mieux. Mais la raison pour laquelle j'ai partagé cet article-là sur assemblagerequis.com, c'est le deuxième produit de cette page de Spotted sur les tablettes. C'est des pointes de gâteau Sara Lee emballées individuellement. Tu sais, les gens chialent sur les oranges pelées dans des contenants de plastique. Ouais. Là, c'est une pointe de gâteau individuellement. Mais imagine, t'as ça dans le frigo, la nuit tu veux te lever, t'as pas à faire ton gâteau là. Il est là. En tant que tel, c'est une bonne idée pareil. Oui. Même malgré le plastique. C'est vrai. Hein? 2 pour 3 $, ça se recycle. Mm-hmm. Et je pense que c'était tout ce que j'avais voulu dire dans cette page-là. Allons-y avec la prochaine, c'est Minute Maid qui offre maintenant des jus pétillants. Okay. Oh! Chez Minute Maid, ouais. Donc, faible en calories, plein de petites bulles. C'est les nouveaux Minute Maid Sparkling, 6% de jus avec saveur naturelle, 30 à 40 calories par bouteille, avec de l'édulcorant, donc 0 calories, c'est ce que j'aime pas, la sucralose, etc. etc. Ouais. Donc, disponible aux États-Unis à partir de ce mois-ci en 4 saveurs, limonade pétillante, fizzy lemonade, ensuite mixed berry, tropical citrus et fruit punch. Punch aux fruits, agrumes tropicaux et bien mélangés. Ça vient en bouteille de 6,9 onces pour le prix de $1,29 américains. On va sûrement voir ça arriver éventuellement ici aussi. Ça a l'air bon. Ouais. Ensuite, un autre spotted sur les tablettes, c'est les drumsticks. Tu connais les cornets drumsticks? Ouais. Au banana split, mais ooh, pas à saveur chacun de banana split, mais chacun a une saveur différente. Donc, t'as banane et fudge. OK. T'as fraise et fudge. Mm-hmm. Et t'as banane. Ah! Oh. Ça manque de fudge. Ben là, ça dépend. Là. Check le contour du drumstick est déjà entouré de chocolat. Ben celui à banane. OK, je comprends. Parce que t'as banane puis t'as banane avec fudge. Ouais. En tant que tel, c'est ça. Je comprends. Mais il aurait dû avoir cerise, non? Un banana split et une cerise dessus. Ah! En tout cas! C'est vrai. Je suis déçu. Ensuite, les Peeps, saveur mystère. Je trouvais ça intriguant quand même pour les gens qui aiment les Peeps. C'est les petits poussins en guimauve, si on veut. Aux États-Unis, présentement, t'as 3 saveurs mystères. T'as la 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3. Et tu dois découvrir qu'est-ce que c'est. Et là, l'article ici nous dit les saveurs probables. Ça pourrait être gâteau au chocolat ou mousse au chocolat ou chocolat chaud pour le numéro 1, mm-hmm, peut-être. Le numéro 3, ça sent le punch aux fruits, dit-il. Donc, c'est probablement... T'as un peu, qu'est-ce qu'il dit? Au raisin, peut-être, ah, okay, qu'il pense. Il a commencé par la saveur numéro 2. Ça lui rappelait le popcorn au beurre de Jelly Belly, tu sais, les Jelly Beans au beurre. Ça lui a rappelé ça. Donc, peut-être que c'est ça. Mais de toute façon, on peut pas les procurer pour les essayer, mais on peut peut-être aller sur eBay pour s'en acheter si on en veut vraiment. Hmm. Un autre spotted, on a beaucoup de choses en bref aujourd'hui. Lequel était-ce? Je poste tout le temps des trucs comme ça avec plein d'affaires dessus. OK, c'est le... Je voulais parler, entre autres, du Philadelphia aux pêches, que je trouve bizarre, qui existe aux États-Unis. Philadelphia, le fromage à la crème. Et oui, les nouveaux cheese dippers de la vache qui rit. Oui. C'est des bâtonnets de bretzel en français, que tu trempes dans une trempette au fromage, ouais, saveur de la vache qui rit. C'est une drôle d'idée, mais pour vrai, j'aime ça. Je trouve ça cool, c'est okay, bon la vache qui rit. OK, il est à saveur de la vache qui rit. Dans le fond, la vache qui rit en petite trempette que tu trempes des bretzel dedans qui viennent avec. J'avoue, c'est pas mauvais. Idée. C'est un peu comme les Nutella to go et les autres, ouais, Reese avec des bretzel. Pas fou. C'est très à la mode. Ensuite... on a parlé souvent de McDonald's qui testait leur menu déjeuner aux États-Unis. Mm-hmm. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Maintenant, ils vont tester le menu complet du déjeuner. Parce que quand on a parlé du menu déjeuner, tout le monde parlait de « Ah, crème, je vais pouvoir me prendre un McCrape à 3h de l'après-midi. » Tu sais, les gens se renseignent pas tant. C'est vrai. Hein? Il n'y avait pas tout du menu. Il n'y avait même pas grand-chose du menu. OK. Maintenant, là, vous allez pouvoir le dire, puis ça va être vrai. Parce que ça s'appelle le All Day Breakfast Bigger Menu. Hein? Aha. Donc maintenant, ils vont tester tout le menu du déjeuner. Donc, on va prendre entre autres un McCrape qui n'était pas disponible jusque-là, muffin anglais, biscuit, donc biscuit, le pain biscuit, mm-hmm, pour le sandwich matin, peu importe comment ça s'appelle, pas le cheddar, ça c'est chez AW, petit matin, c'est chez Tim Hortons. Comment ça s'appelle? McMuffin. McMuffin. Wow! Voilà. Donc, c'est pour l'instant offert en Oklahoma et en Caroline du Nord. C'est des marchés de test où on va essayer ces affaires-là. Il y a aussi dans les triades, c'est comme une zone, pas une ville, mais en tout cas une place en Caroline du Nord qui s'appelle Triade. Et ils vont aussi tester des biscuits faits à la main de zéro, donc créés en cuisine chez McDonald's. Ah. Il y a aussi le biscuit au poulet croustillant et au babeur. Donc c'est un sandwich avec le pain biscuit avec un filet de poulet croustillant au babeur. C'est ça, du buttermilk, c'est babeur, ouais, je crois en français. Donc, c'est un successeur spirituel au Southern Style Chicken Biscuit qui a été discontinué depuis. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie. McGriddle, un McCrape à 3h d'après-midi, ça va pouvoir arriver. Oui. Maintenant, on va chez Frito-Lay qui teste de nouvelles saveurs. C'est des cuites à la marmite, des chips cuites à la marmite au tikka masala. Au tikka masala. Tikka masala. Tikka masala dans ma bouche. Tikka masala. Tikka masala. J'imagine que François Pérez a déjà fait ça. Sûrement. Je sais pas. Donc, tikka masala, Lay's Kettle Cooked Potato Chip, dans un Costco au Milwaukee. On teste ça, imagine. On teste ça dans des places vraiment obscures, là. Ben oui. Un Costco du Milwaukee. On a vu ça. Apparemment, ça s'en vient peut-être ailleurs au pays. Apparemment, on dit que les complexités d'un tikka masala étaient représentées parfaitement par ces chips-là. On verra. Lay's a offert d'autres saveurs, là. Par exemple, le poulet au beurre au Canada l'an dernier dans son concours Faites-nous une saveur. T'as aussi des types de curry. De curry indien dans des chips aussi. Est-ce ailleurs, que ça ressemble du tikka masala? C'est comme un curry, un curry? Tiens, on va aller voir la définition pour pas dire de niaiserie. Ben tikka oui. masala! Tikka masala. C'est un plat indien composé de morceaux de poulet cuit, du poulet tikka, cuisiné dans une sauce de curry. OK. Curry. Hein? C'est un plat populaire en Occident où on considère généralement qu'il relève de la cuisine indienne. On a dit aussi que c'était un véritable plat national au Royaume-Uni. Curry, on l'appelle en français des fois curry, mais en anglais ça se prononce curry. Et on l'utilise aussi en France, j'imagine, le mot curry, alors qu'au Québec, on utilise plus le mot curry. OK, fait que du tikka masala, c'est du curry. C'est du poulet au curry. OK. À base, composé de poulet cuit dans une sauce curry. Oui. Au curry. OK, vrai. Ensuite de ça, tu sais, je trouvais ça intéressant quand même, c'est Jonathan Franzen aux États-Unis qui a publié sa plus récente histoire, nouvelle si on veut, sur des sacs de chipotle aux États-Unis. Mm-hmm. Donc c'est un an de burrito pour... non, c'est pas ça, attends un peu. Donc c'est une nouvelle chronique, dans la campagne Cultivating Thought chez Chipotle, qu'on imprime des histoires courtes originales d'auteurs à succès sur les côtés des papiers, des sacs de papier et des verres. Très haute culture, très nez en l'air quand même. Donc Chipotle voulait montrer le talent de ces artistes-là avec 2/3 de tweets, donc 103 caractères pour être exact. On imprime 103 caractères maximum. Et en échange, on va donner 3 ans de passe burrito gratuitement et 500 lecteurs Kindle Paperwhite de Amazon. Donc voilà, c'est des nouvelles inscrites sur le côté de sacs de fast-food. Hmm. C'est à peu près ça. Ensuite, tiens, une provocation de la part de Burger King. C'est une campagne française où les mangeurs de Whopper se moquent des moins nantis. Burger King donc joue un petit peu le rôle de l'intimidateur dans une campagne en France en parlant contre les villes qui n'ont pas de restaurant Burger King avec des photos de gens dans des villes qui ont des Burger King. Donc, c'est une campagne de Buzzman. Burger King encourage les gens dans les villes qui n'ont pas de Burger King de prendre des photos d'eux en train de manger un Whopper. Le restaurant donc les restaurants vont être équipés de photobooths, des photomatons. Photomatons. Pour pouvoir faire ça. Et ensuite, les photos vont apparaître sur des panneaux publicitaires dans les villes qui n'ont pas de Burger King. Donc, on demande aux gens qui vivent dans des villes qui n'ont pas de Burger King d'aller dans une ville où il y en a, se prendre une photo avec un Whopper, revenir dans leur ville pour voir leur panneau publicitaire. C'est quand même de l'intimidation culinaire. Mettons. Quand même, mais générée par le grand public. Évidemment, on sert du public comme outil promotionnel, si on veut. On va regarder la publicité. Tiens, Whopper Provocation. C'est drôle. You know it's almost better than a Whopper. Vous savez ce qui est presque meilleur qu'un Whopper? Making fun of people who don't have a Burger King. Rire des gens qui n'ont pas de Burger King dans leur ville. Burger King presents. Burger King présente. Provocation. Provocation par Whopper. From October 19th to November 19th. Just go to one of our restaurants. Aller dans un de nos restaurants. Take a picture of yourself. Prenez une photo de vous-même avec votre burger. Cette photo sera ensuite postée dans des villes où il n'y a pas de Burger King. Et là, on voit les pancartes. Yeah, it's cruel. Ouais, c'est cruel. Probablement pas que vous ferez pas de nouveaux amis, mais c'est toujours bon de rire des autres. Whopper Provocation. Whopper Provocation, présentement chez Burger King. Évidemment, la pub est en anglais, mais c'est écrit en français partout dans la pub. C'est vrai, un concept français. Non, j'étais pas rendu là quand même. Je suis en train de partir de la chanson de fin. Attends un peu, là. On va finir la chronique avant, hein, monsieur le technicien. Nissin qui amène de la crème glacée à saveur de ramen. Ah! Nissin qui offre maintenant, oui, donc de la crème glacée molle à saveur de ramen dans de mini cup noodles, c'est des contenants de cup noodles, au Cup Noodle Museum de Yokohama au Japon. C'est disponible en deux saveurs, t'as ramen à sauce soya et ramen au curry ou au curry. À part ces saveurs-là, ça vient aussi avec des garnitures congelées, des garnitures freeze-dried, séchées, tu sais, séchées... Séchées, comme, ouais, c'est ça, genre. Pour qu'on puisse garnir sa crème glacée comme sur un paquet de cup noodles. Donc, la saveur ramen sauce soya vient avec du bœuf, garniture de bœuf qu'on peut saupoudrer dessus en cubes, des crevettes, des oignons verts, des œufs. Alors que la saveur curry vient avec une garniture de bœuf, oignons, carottes et patates. C'est offert pour 2,41 $ américains. Et on a besoin d'une admission payée au musée aussi, donc pour pouvoir entrer dans le restaurant. Le fondateur de Nissin, Momofuku Ando, a inventé les nouilles ramen, les nouilles instantanées. On se rappelle que leur Cup Noodles s'appelait avant Cup O Noodles aux États-Unis. Mais ici, je pense qu'on a. Moi, j'ai jamais vu cette marque-là au Canada. À Montréal, il y en a. Ah, bon, ouais, tu vois. Ça ressemble à ça. Cup Noodles. D'ailleurs, j'ai d'autres nouvelles sur les ramen. On les fera la semaine prochaine parce qu'il en reste quelques autres assez intéressantes. Mais pour l'instant. Nous, ben, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ah, on doit se quitter, mais merci à Véronique Mire et sa chronique Le Véronictionnaire qu'on retrouvera éventuellement. On se fera une autre grosse pointe d'adresse la semaine prochaine. Jeudi prochain, c'est pas mal tout ce qu'on va avoir dans l'émission. Jusqu'à nouvel ordre. Lundi, à l'émission, on aura Samuel Girard à 8h30 pour sa chronique politique. À 9h, Evelyne Dulac sera là pour sa chronique du Club plein air UQTR. C'est l'émission de lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on a Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, la sortie de secours est à votre gauche avec Lucas Hubert et Sébastien Evgartin. À 14h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 17h, Palmarès du Monde avec David Ferron. À 19h, Très Blues, ça c'est fou avec Denis Baudin. Mais dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lanouette. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Et on se quitte avec Baja Bullott et Infamous. On se retrouve lundi, 6h30. Bye, bon café! We'll be right back.